J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonjour et bienvenue. Trop d'infos, il y a trop c'est d'infos. C'est beau. Bienvenue. Alors, écoutez, non, bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e émission de cette saison. Et comme à l'accoutumée, quatre invités qui m'accompagnent autour de la table. Je commence par Sophie-Marie Larouy. Ouais. Yes. Tu touches un peu en garage band hein, pour le... Là je commence, ouais, commence à avoir un petit niveau pas dégueu, ouais. Sophie Marie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Voilà, vous pouvez m'appeler Sophie Marie ou SML ou MST selon ou notre... pas Marie-Sophie. Alors surtout pas Marie-Sophie ou Anne-Sophie Lajou, parce qu'on me l'a déjà dit. J'adore ce que vous faites Anne-Sophie Lajou. Yes. Y a rien à voir, y a rien. Je suis auteur et comédienne et j'adore délirer. Voilà, et mon actu c'est d'être en vie. Et tu possèdes également un podcast. Oui, je possède également un podcast, ah oui. Tel un enfant qui s'appelle À bientôt de te revoir. Yes, papi chulo. Nous sommes également avec SLM3K. Je remarque que Sophie Marie n'a pas applaudi. Parce que je buvais et ouais, donc j'ai voulu faire wouhou en même temps. On le refait tout de suite. SLM3K. Je l'ai fait moi parce que je me sens moins spontané du coup. Tom, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je suis réalisateur de... Réalisatrice. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, je bosse pas mal, bah, d'ailleurs en ce moment avec SML, Sophie Marie. Ouais. On a fait des courts-métrages ensemble, sinon je viens du clip ou du sketch. Et de Villejuif. Et de la rue, voilà. Tu représentes d'ailleurs, je crois, au maximum Villejuif. Voilà, exactement. Donc, voilà. Qui est du 94, très belle. Et on peut dire aussi que tu as une très belle Cosmo-énergie. Apparemment, c'est ce que les gens disent de moi. Violine, un peu. Ouais. Je porte un kimono en ce moment. Donc, ouais, voilà. C'est vrai. Je pense que c'est un symptôme d'apaisement. Nous sommes également avec Jérôme Niele. Allez ouais. Niais-le. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis également comédien comme SML et auteur aussi à mes heures. Et voilà. Et tu parles comme Gérard Larcher, donc. Oui. Je ne l'ai pas. C'est qui Gérard Larcher? C'est un commentateur sportif. Ah, ça y est, je me souviens pas du tout. Est-ce qu'il commente le tir à l'arc? Pourquoi? Oui, l'archer. Bah non, mais je voulais le lancer. Ah putain, je le savais. Non, mais il y a un côté ludique. Comme Grégoire. Grégoire, hey du Palmachot. Ah, ouais. Vous l'avez reconnu d'ailleurs, avec sa petite voix, celui-ci. il est tout surexcité. Il s'agit d'Adrien Méniel. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis Adrien Méniel. Je suis ghostwriter de Eus l'Enfoiré. Ah bon, c'est moi qui chanson en particulier. Rapta, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Je l'ai écrit en 3 minutes. Ah, seulement. Oui, bah il y a peu de mots hein, au final. Tu comptes. Du coup, t'es plutôt Rapta ou Stenda? Ce soir, Stenda. Ok. Ouais. Ah, mais est-ce que tu restes QLF? Exact. D'accord. Mais une grosse moula toujours. D'accord. Une énorme moula. C'est pas dans le son où il dénonce que Stomy il est vegan ou un truc comme ça? Ouais. Bah il le dit. Non, il le dit. Ah, mais j'ai appris que Stomy était vegan. Il dit dans Stomy son son, vegan. Parce que, moi, Stomy vegan, j'avais pas compris. Mais après. Stomy vegan. Stomy n'a pas démenti hein, pour le moment. Ouais. Non, mais en vrai, c'est pas comme s'il l'avait outé en tant que vegan. Oui. Stomy, ouais. Il fait des campagnes pour PETA et tout. Donc, oui, il va dans le. Bah, je l'ai appris. Et du coup, quand j'ai tapé Stomy Vegan, je pensais tomber sur Abgenius. Et en fait, je suis tombé sur un article. Oui, où il est allé dans les poulaillers, là, pour dire comme quoi il faut pas. Aller dans les poulaillers? Ouais. Surtout si t'es un renard. Ouais, non, non, non et non. Pétale a élu le plus beau vegan, je crois, de France. Ah, et wow, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Ouais, mais c'est un bel homme. Surtout, c'est toi. Oh. Mais non, mais surtout, on s'en branle. Vraiment. Oui, pourquoi parce que c'est... Toutes les occasions sont bonnes de mettre un petit coup de projecteur. Projecteur sur cette belle association qu'est PETA. Oh, voilà, Adrien. Pas si belle. Bon, les amis, merci beaucoup. Tu dénonces très tôt. Il est arrivé, il dénonce. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, merci à toi. Merci à toi. Ciao, ciao. Floodcast, bisous. Non, on a un peu changé parce que là vous venez d'arriver, mais Floodcast a un tout petit peu évolué. Ah. On ouvre maintenant avec, je vais essayer de vous faire deviner des actus un peu insolites qui sont arrivées sur notre bonne grosse planète bleue, qui se meurt, hein, je préfère vous le dire, hein, faites attention. Hein. Et falloir, donc voilà, je vais vous donner des infos, il va falloir essayer de deviner de quoi je parle, d'accord? Ok. Attends. Je voudrais digresser d'abord. Je t'en supplie. Déjà, on va prévenir les gens qui sont un peu misophones. Dans les 4 prochaines minutes, tu vas manger un peu du riz. Faut le dire. On va aussi les prévenir d'arrêter de s'inventer des phobies pour se rendre intéressant aussi. On va dire ça. Et non, je voulais dire, en parlant de la planète qui se meurt. Oui. Pourquoi oui, est-ce déjà que d'un oui. coup, toutes les T'es affiches. En mode gourde, c'est ma première question. Non, je suis en mode gourde, évidemment. Okay, pourquoi d'un coup, toutes les affiches de manifestants parlent de cul? On est d'accord ou pas? Genre tout était mais... c'était défoncez-moi la chatte, pas la planète. Ouais. Mais non, mais tu rêves, c'est ton inconscient. Non. Waouh, monsieur le cabache. Vraiment non. Mais je pense que c'est pour faire le buzz, c'est-à-dire à savoir tu marques un petit peu plus l'esprit des gens. Oui. Comme à mais la manière d'un de... coup, il y a eu un brief. Écoute-moi bien, c'est pas ma faute déjà. Donc tu vas non mais mieux me parler. Non mais en vrai, non, je sais pas, je pense que oui, il y a eu un mouvement de tu sais une espèce de mode en fait. Non mais je critique pas le truc, mais je non, dis bien juste sûr. D'un coup, tous les trucs c'était la planète est sèche, pas comme ma chatte, que des trucs comme ça, genre c'est fou, j'ai jamais vu ça. Non mais en fait, je crois que c'est parce qu'il y avait une manifestation pour la Genève, ouais c'est ça, et que ouais. apparemment il y en avait beaucoup qui jouaient sur le jeu de mots, ouais. et voilà du coup ça c'est beaucoup qui jouissaient ouais, mais... d'un énorme vocabulaire. Non mais il y a toujours des jeux de mots dans les Pierre Benichou est avec nous. Pierre, comment ça va? Bon, fais ton actu. Vous êtes pas du tout, vous avez pas, vous êtes pas au fait de l'actu, donc c'est pas la mais peine. Non, de, mais moi je pense que parce que c'est des bons mots qui ont été repris, oui, voilà. Bien, ça j'entends bien, mais pourquoi et puis d'un c'est coup c'est la jeunesse aime bien être un peu trash. Tu vois, mais non, mais il y avait c'est des pas d'un gens coup, aussi. C'est parce que je pense que c'est parce qu'il y a des. En effet, j'ai vu des trucs trash, genre nique pas ma mère. Oui, voilà. Et pas Noël. D'accord. Non, mais donc, d'ailleurs, évitez coup... de niquer Noël ma mère aussi. Mais peut-être parce que ça y est, il y a des. C'est un peu. Non, mais il y avait genre enculez-moi, pas la planète. Sans rire. Une meuf qui avait ça comme c'est panneau. Pas mal. Avale bien ma bite, mais s'il te plaît, jette pas des sacs plastiques dans l'océan. Rien parce à que voir, vraiment, quoi. C'est un très foutu gros. Foutu pour foutu, branlez-moi. Non, non, mais. Non, je. Dégueule sur mes couilles. Et c'est tout. Et genre, PS, je possède une gourde en inox. Mais le thème, c'est le vomi ou pas là? Non, pas encore. Non. Mais ça peut arriver à tout moment. Parce que j'ai dans ma gourde. Parce qu'en parlant de phobie. J'ai vomi mon bol alimentaire sur la tub de mon gars. Il y a longtemps. Mais ouais. Attends, pardon. J'ai vomi. Un bol alimentaire. Ouais, tout mon bol alimentaire. Mais tout c'était mon quoi ton estomac. Bol t'avais mangé quoi déjà? Des épinards et du saumon. Oh. Et c'est ressorti tel quel, genre le pavé d'un coup, comme oui, ça. Parce qu'il t'a pavé de saumon ouais. d'un coup. Bah oui, bah voilà, faut voilà. pas faire ça. Bah je le sais à mais présent. Mais t'étais en pleine digestion en plus. Non, mais faut se calmer. Mais alors ça, on est d'accord que. Non, mais je. Non, vas-y, après, vas-y, tu sais, c'est Floodcast, okay. Y a pas, on peut digresser, hein, vas-y. Hein. Qui, par applaudissement militant. Moi, j'ai militant, jamais vomi sur la tub de, ouais. de non, ton mais mec. Qui, ouais. qui fait gaguer sa ou son partenaire ici? Alors, j'ai pas honte, mais. ça m'est déjà arrivé en ouais. fait. C'est un jeu, tu vois, il y a un truc où. Non, moi après, j'ai testé pour voir. Après, moi, j'ai testé pour voir, mais ça m'a. Non, j'ai pas. Bah après, c'est question de consentement. C'est après, question de feeling. Pourquoi d'ailleurs. Pas Mais tu le fais pas sans prévenir, genre de... Ah oh, vomi. Avec ce bruit. Ah, j'ai tenté. Quand t'appuies. L'issue n'est pas forcément tout le temps vomi. Ouais. Non, mais bon, quand même. Bah, non, bah, non ça peut être aussi se faire retirer les amygdales. Bon, Jérôme le fait à chaque fois, clairement. Non, justement, moi je le fais pas du tout. C'est souvent l'initiative. Oui, voilà. C'est pas vrai. Ah, oui, non, mais c'est, non, c'est la l'initiative personne. De... Ouais. Jamais j'ai forcé quelqu'un. Oui, jamais. Ah, bah voilà. Ah, comme un accord. Subir ce. Mais même d'accord. Ouais, non, j'ai jamais eu le réflexe de dire attends, je l'attente. Non, mais ouais. Faut vraiment que je relise ma convention collective. T'as lu les petits trucs en bas? Faut lire tous les petits trucs en bas. Mais non, mais parce qu'on n'a pas de CE, on est à moins de 50 employés. Donc moi, j'ai te filé le numéro de mon avocat. C'est lui qui ça passe, tout passe par lui maintenant. C'est terminé. Donc, des petites actus, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mm-hmm. Il y a un fait divers qui a eu lieu dans la ville de Nancy. Très belle ville, Nancy, ici. Il y a non, des gens qui c'est sont dégueulasse. Ok, c'est de la merde, à mes yeux. À Nancy, il s'est passé quelque chose dans les transports en commun. Sauriez-vous savoir quoi? Je sais, pas une dame bien, a accouché. Pas non. Quelqu'un a chié? Non. Quelqu'un a chanté, mais bien Claude François? Non plus. Quelqu'un. Le conducteur a fait un malaise? Non. il y a eu un accordéon qui a commencé à devenir pote avec des gens. Mais c'était une belle histoire. Okay. À quand il y a quelqu'un qui a accouché ? J'ai envie de réaliser ton histoire par Jean-Pierre Jeunet. Non, c'est pas à Caen, c'est à Nancy là. Non, mais moi je te dis à Caen, il y a quelqu'un qui a accouché. Et vous voulez raconter une petite anecdote ? Ah oui, mais dans la ville de Caen, hein, pas dans les transports. Quand ? Ah, mais quand ça ? On a fait un tour. À trois ? À Tours, à trois ? Ah bah non, on était on que deux. On était que deux. Oh, vous êtes alors, là. C'est oh, dans je suis. C'est dans le métro, c'est où ? Alors, c'est dans un tramway. Alors attends, qu'est-ce qui peut se passer à Nancy ? Quelqu'un a souri alors qu'il était à Nancy ? Non. Waouh. Désolé les gens de Nancy. Non, je hais cette ville. Mais putain, moi j'ai que des bons souvenirs à Nancy. Ah ouais, pourquoi moi, tu détestes ? Bah, je me suis fait enfermer par un gars. Ok, bon bah tu gagnes. Moi, pendant des mois. Je trouvais juste ah, ça décharge, tu lui avais vomi sur la bite. Et ça, ça peut en agacer plus tard. Non, alors qu'est-ce qui a pu se passer ? Quelqu'un a... chanter les 400 choristes. Non, non, non, c'est un fait divers, je vous le rappelle. Ah, c'est un fait divers. Un fait divers. Okay. Non. À une tentative de meurtre. En tout cas, il y a eu agression. Au coup de poing dans la gueule. Coup de poing dans la gueule. Coup de pied dans les couilles. Tronçonneuse. Ouais. Non. Est-ce qu'il y avait une arme ? Pas d'arme. Est-ce insolite ? C'est insolite. De toute façon, c'est actuel. Prise de l'étranglement ? Non. Un vol ? Non. Bah. En tout cas, c'est un contrôleur qui a contrôlé quelqu'un. Le quelqu'un n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a planté. Bah non, pas d'arme. Non. Il l'a poussé, il l'a jeté par la fenêtre du. Non. Il l'a embrassé moi, comme ça, le moi. Baiser de Robert Doineau. J'ai pas la ref, c'est quoi ? C'est le baiser. Je crois que c'est Doineau quand le soldat quand... il. Ah oui, il pousse la meuf. Comme ça. Et vous savez que d'ailleurs, elle était pas consentante c'est la pour meuf. Ça que... oui. Et il l'a fait gaguer derrière en plus. Ah, elle a vomi des épinards et du saumon. Mais t'es pas très loin, mine de rien. Ah, j'ai oublié. Il lui a fait un câlin ? Non. Il lui a mordu la lèvre. Mordu, mais la pas... joue, la joue, l'oreille, non. L'oreille, l'oreille. Non. Le nez, le coude. Non, non. Le cou. Le front, non, c'est pas possible. Non. Le coude, le téton. T'es quoi ? J'ai dit le coude, mais en fait, le téton, la bite. Le téton. Mordu la bite, les couilles. Non. Les couilles. Bien joué, Adrien Meignel. Ah non ! Il s'est fait. Un contrôleur de tram de Nancy s'apprêtait à verbaliser un jeune homme de 25 ans qui voyageait sans billet. Le jeune homme s'est rebellé en mordant le contrôleur d'abord au bras, puis au testicule. Celui-ci n'a pas été hospitalisé malgré une visite chez le médecin. Le voyageur indélicat sera jugé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il était en pantalon mou, le contrôleur, pour pouvoir s'être fait mordre la bite ? Mais je pense que du coup, il devait être dans une espèce de furie furieuse. Parce qu'il faut vraiment vouloir attaquer directement la bite. Moi, je trouve ça quand même assez chirurgical. Hein. C'est très précis quand même. Déjà, sans vêtements, c'est dur d'attendre. Tu vois, t'es là, genre, Fort Boyard, la clé, sort. Mais surtout, d'abord le bras. Donc en fait moi je pense qu'il a il a mordu le bras, donc le gars a dû retirer le bras, il a dû tomber sur lui et du coup le premier truc qu'il a chopé c'est les couilles je pense. Et au lieu d'être tombé pour elle, il est tombé sur lui. Il est tombé pour les couilles. Ça me rappelle le pitbull qui m'a mordu quoi, il m'a mordu le bras et après le pec, et pas les couilles. Pec, doucement. Là, il était moins chirurgical du coup. Il a moins réalisé. Là, c'est pas pec, si. C'est pas vraiment insolite mais j'aimerais quand même en parler. La Michael cinémathèque. Jackson. Non. La Cinémathèque a fait parler d'elle récemment via un article. Savez-vous pourquoi ? Elle a fait un peu polémique, la Cinémathèque, à cause d'une exposition. Savez-vous laquelle ? Polanski ? Non, non, non. Est-ce que si je dis Crump, ça te... Non, okay. Ça me dit rien. Mais tu veux dire Crump ? Crump, tu la danses, Crump. Tu veux dire Trump ? Robert Crump ? Ouais, ouais. Donald Trump. Vous voulez dire qui nous fait bien peur quand même. Donc avec c'était son une exposition un peu pas du tout limite érotique, justement pas du tout quoi que ce soit, au contraire. Non. Des curés, non, au contraire, justement normalement elle est pas du tout justement limite et c'est ce qui a posé problème. Eh ben putain, mais je crois que j'en ai entendu parler. C'est des tableaux ? Non, c'est une expo autour d'une personnalité du cinéma qui a créé la polémique. Bah, dis, quel Bah, du coup, c'est plus ou moins la réponse. Donc, une personne française. Putain, une personnalité française. Réalisateur ? Ouais. Non. Depardieu ? Non. Un acteur ? Ouais. Thierry Lhermitte. Ah, non. Comment il s'appelle, la Trianne ? Jean-Yann ? Non. Mort ? Ouais. Mort. Mort depuis longtemps ? Depuis quelques décennies maintenant. On a dit Bébel ? Non, mais il est vivant pour le coup. De Funès. Oui, bien joué. Et alors, ben, il y a eu la polémique récemment, un article est sorti. Bon, alors l'article. C'est pas possible ! Mais je croyais qu'il était mort. Voilà. C'était son fils était le mammographe de ma mère. Oh. Voilà. Et est-ce qu'il lui a fait paf ? en fait, c'est quelqu'un qui a écrit un article dans le magazine Transfuge. qui s'appelle Louis de Funès et la nouvelle bien-pensance. En fait, il va y avoir une expo sur Louis de Funès l'année prochaine. Et en gros, lui, il disait que la Cinémathèque n'a pas à rendre hommage à un artiste aussi populaire Louis Quoi de Funès. Un genre trop intello. Trop pour, popu. La Cinémathèque, normalement, ne doit pas s'abaisser à ça. Alors, je vous lis un peu quelques phrases clés que j'ai notées. Je le confesse d'emblée, cette annonce suscite en moi malaise et inquiétude. Quelle est la légitimité de ce bon goût qui me conduit à écarter ainsi tout un pan de la culture populaire d'une reconnaissance institutionnelle, point d'interrogation. Faut une virgule, putain. Mais je crois que même les intellos, genre cahier du cinéma et tout, ils sont pas aussi chiants que ça. Quoi. Bah, ils trouvent de Funès très justement pointilleux, précis et tout ce qu'il a apporté et au niveau de Chaplin en fait. De c'est Funès. Ça. Je vois clair dans la manœuvre. D'un côté, on flagorne le populo en accueillant dans une institution prestigieuse l'un des symboles de la comédie grand public. De l'autre, on flatte les élites qui, cédant un hédonisme régressif, finiront par se retrouver cool de prendre de Funès au sérieux. Et il faut le dire nettement ici, la carrière de Louis de Funès ne justifie en aucun cas une exposition à la Cinémathèque française. Là. J'ai envie de lui mordre les couilles. J'appelle ça brécrire un article. C'est-à-dire que tu te branles et en même temps t'écris. Oui. Donc on comprend rien parce que t'as pas ta tête à toi, quoi, tu vois. Et en plus, il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, il est accusé de faire ça pour le buzz, Adrien. Toi, oui, tu bien connais, sûr. À savoir dire des trucs un peu. Pour moi, c'est Mister Série à mes yeux, ce mec. Voilà. Mister Série, mais... c'est celui qui a descendu Groom dans la, enfin, dans la presse, celui, je le rappelle. L'un de ceux. Et le plus véhément. Mais évidemment, la Cinémathèque s'emballeque et il y aura évidemment donc cette expo sur Louis de Funès en année prochaine. Bah l'année c'est prochaine. Quoi ouf. On les salue et j'irai. Et on ira. J'irai jauner. On ira voir Louis de Funès. Ça me rappelle une chronique de Desproges où il réagissait à un article. Tu sais qu'aujourd'hui il y a des trucs, enfin, qu'il disait à l'époque. Il pourrait pas les dire. Non, il pourrait plus les dire bien aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, non, mais un article, dire. une critique de film qui disait un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire. Ouais. Il avait fait toute une chronique pour dire que c'est de la merde de dire ça. Ouais, et que c'était un film de Claude Zidi, je me souviens. Il prenait la défense de Claude Zidi. Il disait c'est la prétention de faire rire, enfin l'ambition de faire rire, elle est énorme. Et c'est vraiment, faut être une merde pour dire ça. Ce Exactement. Qu'avait dit d'ailleurs, plus ou moins, Mister Série d'ailleurs. Alors, en vrai, il avait dit un truc dans le genre. Bah c'est vrai. Donc qu'il a chié dans son bain. Pour moi, on est Louis de Funès de toute façon. Voilà. Il y a une nouvelle marque de chili. Qui va se retrouver dans le commerce, excusez-moi, je cherchais mes mots, pas du tout. Dans pas très longtemps. Est-ce que vous savez à quoi elle sera? Ah, je sais, au criquet, au petit snacking, les snacking nouveaux. Insectes. Non, ça, alors protéines. T'es pas loin, t'es pas loin avec insectes. Une larve. Non. Les araignées. Oui. Oh. C'est tu sais pourquoi ou pas? C'est est-ce ça que tu sais? Non, mais plus précisément. Des migales. Non, en gros, c'est du venin de tarentule, exactement. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre du venin de tarentule dans du chili, ce qui fait que tu vas perdre un petit peu. Tu vas avoir des spasmes musculaires. L'espace d'un 10 secondes, tu meurs. En fait. Non, tu vas avoir des spasmes musculaires, en fait. Et donc, c'est une sensation apparemment assez agréable. Et donc voilà, ils vont commercialiser ça dans pas très longtemps. Ils vont jouir, si, ouais, c'est pareil. Exactement, ouais. Non, pas en France, pas en France. Ah, non, c'est j'ai pas le pays, je suis désolé. Moi, je serais curieux quand même. Et ça coûtera seulement 6 dollars, 6 livres, donc c'est en Angleterre peut-être. Ouais. 6 livres 50, tout simplement. Ouais. L'espace, bah, surtout que tu peux vraiment tomber dans ton assiette et te noyer, tout simplement. Et gaguer dans ton assiette. Quand je pense que Trampo Park, ça coûte la moitié de ça, franchement, c'est débile. C'est quoi Trampo Park? Bah, c'est un parc de trampoline. Mais non. Tiger Jump, c'est à côté de chez ma soeur. Y a ça, c'est plus Tiger ça Jump. Mieux. Trampo Park, ça. Bah, Trampo Park, c'est bon. C'est comme Laser Quest. C'est artisanal, quoi. Oui, voilà, il y a tout. C'est informatif, quoi, tu vois. Trampoline, parc. Trampo Park. C'est vrai qu'au moins tu comprends. Enfin, sauf toi, t'avais pas. Tu c'est quoi pas. C'est ta soeur, non. C'est quoi Spider Tiger Jump. Tu vois, c'est quoi des tics qui sautent? Bah, je sais pas. Il y en a. Stylé. Bah, en Bourgogne, il y avait le parc des Combes. Tu ne peux pas savoir de quoi ça parle. On va aller au parc des Combes. Mais c'est quoi? C'était des attractions pas ouf, genre des luges d'été, des trucs. Ah ouais. Moi j'aime bien. Mais la luge d'été, c'est bien une bonne. Ça dépend. Une bonne piste de luge d'été, c'est. Non, mais j'en avais fait quand j'étais gosse, vers Annecy là. Non, mais il y a luge d'été. Enfin, je peux pas vous laisser dire un truc pareil. C'est vrai qu'en Bourgogne, c'est peu vallonné, non? Bah, surtout, il fait moins 14 jusqu'au 12 juillet. Ouais. Et il refait moins 14 à partir du 31 août. Donc, là, c'est une activité un peu mignonne. Parce qu'il n'y a pas que de la merde et du venin d'araignée. Ouais. À Montpellier, des détenus se sont cotisés pour quelque chose. Quel est-ce? Une five. Non. Okay. Un cadeau. Ils ont fait une cagnotte litchi. Oui, ils ont fait une cagnotte litchi. Des prisonniers, ça. C'est ça? Les prisonniers. Est-ce que c'est pour offrir quelque chose? Oui. À un autre détenu? Une escorte? Non. Pour offrir quelque chose? Oui. Un concert de rap? Un concert de rap. Ils vont pas offrir un concert de rap. Pour acheter un rappeur. Ah non, ils ont offrir un live. Non, mais à un maton. Exactement. Ils lui ont offert. On se demande pas ce qu'ils m'ont offert, parce qu'ils ont juste donné de l'argent, mais pourquoi ils ont. Il était malade ? Non. Il s'est fait virer ? Non. C'est lui qui organisait tout le trafic et c'était pour les. Non. Sa femme l'a quitté ? Alors non, mais il a perdu sa femme. Elle est décédée. Et donc, du coup, tous les prisonniers de la maison d'arrêt de Villeneuve, enfin tous d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, les détenus, il y a écrit les, de la maison d'arrêt de Villeneuve, les Maguelones, dans la métropole de Montpellier, se sont cotisés afin de le soutenir. L'homme surveillait dans cette prison depuis une trentaine d'années et a perdu brutalement sa femme, mère de ses quatre enfants. Et voilà, donc c'est le. Petite cagnotte pour s'en racheter une autre. Voilà. Est-ce qu'on sait combien il y a eu dans la cagnotte ? Je sais pas, mais apparemment. 120 euros ? 8 millions. C'était que des braqueurs de banque, les mecs. Oh, j'ai mis 100 000. Je me suis pas mis. Et des coordonnées pour aller chercher. Non, mais c'est émouvant. Ouais, ouais. Non, 30 ans. Pas large. Ouais. Ouais. S'il y a des détenus de la prison de Malfoy et Colombes. Malfoy et Seton, bien sûr. Comment ça s'appelle la ville ? J'ai déjà quitté la page, Malongue. Je peux pas te la répéter. Mais bon, vers Montpellier, quoi. Vers Montpellier. Ouais. S'il y a des détenus vers Montpellier qui nous écoutent, merci les amis. Bien joué. Ça serait cool qu'on nous écoute. Enfin, GG, cool. Comme, parce que je parle un peu gamer. Ouais. Une histoire assez similaire. Il y a un professeur des écoles en Floride. Alors, faut savoir qu'Adrien est venu avec son petit chien. C'est pour ça que vous entendez parfois des petits claquements de doigts. Parce que Francky. D'ailleurs, les gens nous demandaient comment va Francky. Bah mieux, à part qu'elle a pissé sur ton tapis. Oui, après voilà. C'est mais pas... non, mais en vrai, c'est ma faute. C'est parce que j'aurais dû. Elle a pas pissé sur le chemin. J'aurais dû. Voilà, c'est ma bien faute. Bien mauvais maître. Mais elle va bien, elle va mieux. Ah, visiblement, les antibiotiques lui font du c'était bien. C'était ça c'est la beau, solution, quoi. Tout donc, simplement. La pénicilline. Et les plantes aussi. Il faudra que tu lui fasses des médicaments aux plantes plutôt que oui, des antibiotiques. Oui, des huiles essentielles, ouais. Bien sûr. Tu oui. Mettras un oignon dans sa chaussette. Je suis anti-vax. Pourquoi ça fait quoi l'oignon dans la chaussette ? Je sais pas, mais je crois que c'est un truc pour soigner des trucs de la vie. Par voilà. Contre, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui souffrent de mycose, c'est pas mon cas, mais c'est ma dermato qui m'a dit ça. Bien il sûr. Faut piler un ail dans un petit peu d'huile d'amande douce et se faire une compresse avec le mélange et, sur la partie ouais. Mycosée. D'accord. En fait, ça ne soigne pas, mais au moins personne ne veut coucher avec toi le temps que ta mycose disparaisse. En tout cas, les vampires. Ouais. Non, mais l'ail est un très bon antibiotique. Bon, excusez-moi, oui. Je voulais non, pas. Non, mais attends. Les mycoses, c'est pas des microbes, quoi. Donc ouais, un truc un petit peu dans la même idée que la prison. Il y a une professeure en Floride qui a été mise en prison. Est-ce que vous savez pourquoi ? Attends, une proviseure. Une professeure, pardon. Une professeure suppléante en plus. Ah, elle a fumé de la weed avec ses élèves. Non, non. Elle a baisé un élève ? Non. Elle a dealé du shit ? Non. C'est en rapport avec les élèves ? C'est en rapport avec les élèves, tout à fait. Ah, elle a séparé comme une sorte d'apartheid. Non. L'horreur. Mais non, mais il y a un prof qui a fait ça. Vous avez pas vu sur Instagram cette photo ? Elle a réduit sa clave en esclavage. Elle a pas donné annulé un amendement. Elle a mis des 20 sur 20 à tout le monde. Non. Est-ce que c'est un truc... Ça, par contre, j'ai vu qu'il y a des professeurs qui ont fait ça en France. Est-ce que c'est un truc grave ? C'est un truc plutôt... À tes yeux, ouais. À mes yeux, assez grave. Alors... Ok, elle a conduit seins nus, bourrée, en écoutant « You spin my head right now ». C'est pas du tout grave. Alors, est-ce que ça s'est passé dans le lycée ? Non. C'est ce que je voulais demander. Ouais. Donc c'est un truc... Le fait qu'elle soit professeure, ça... elle aurait pu être boulangère, c'était la même chose ou pas ? Ah non, pas vraiment, je suis désolé. Elle a utilisé son métier quand même pour... Non, mais ça lui a donné accès à des trucs qui font que tout est un peu horrible. Ou elle a fait de la messe avec les trucs de chimie. Non. Ah, non, ça c'est non. Breaking Bad. Putain, c'est... Ouais. Ah ouais, ça existe. Ouais. Merde, j'allais dire, j'ai une super idée de ça. Ouais. Bah après, ça c'est vieux, donc peut-être les gens s'y viennent plus. Les gens se rendront pas compte. Elle l'a fait dans le parc où les enfants peuvent s'amuser. Voilà, petit indice. Ah, est-ce que c'est un truc sexuel ? Non. Elle a fait pousser de la weed ? Non. Est-ce qu'elle a. Elle a enterré quelque chose ? Non. Ah, la Bible ? Non. Elle a enterré une Bible. Ouais. Non, parce que tu sais, des fois il y a des trucs débiles, genre cette dame a mis un pantalon dans le Massachusetts et elle a et pris donc, 10 jours de prison. Non, là elle a fait un truc. Elle a enterré quelque chose ? Non, justement, elle l'a pas elle du tout enterré. Elle a déterré quelque chose ? Non, pas tué. Ah, mais elle a déterré quelque chose. Elle a rien déterré, mais c'est un truc qu'elle aurait pu enterrer qu'elle n'a pas enterré. Elle a acheté, elle a laissé un corps. Non. Posé. Elle l'a mis. Bon, un là, animal bien, ah, non, pas d'animal. Ça concerne un autre humain qu'elle ? Non. Juste elle. C'est elle qui a fait ça, toute seule. Et elle a besoin de rien pour le faire. Eh ben. C'est un indice comme ça. Pensez Floodcast, hein, pensez. Elle a chié, tout simplement. Écoute, une professeure de Floride a été accusée de répandre ses excréments dans le parc juste avant que des enfants fêtent leur anniversaire. Mais peut-être j'ai qu'elle adoré. Avait une gastro. Non. Mais tu sais que c'est l'offrande à Satan, vraiment. C'est pas la première anecdote de ce genre que j'entends. Un autre prof qui chiait sur le terrain de football américain, genre tous les matins, quoi. Bah elle en tout cas apparemment Mais c'est un truc sexuel je crois pour les gens Ou peut-être que c'est du genre c'est de la superstition. Genre tu vois ils ont gagné un match. Ils ont dit merde chier la première fois. Bon bah il faut chier tout le temps maintenant. Bah, c'est Hutchinson le principal qui a dit l'odeur m'a frappé et j'ai notifié qu'elle avait fait ça sur chaque table. Ah oui. Mais non. En fait elle a répandu sa merde sur toutes les tables juste pendant que les enfants arrivaient avec le gâteau. Genre on va fêter notre anniversaire. Un peu effrayant. Génial. Tout à fait précis. Il s'agissait d'un mixture d'urine et de caca. Elle avait mis ça dans un grand seau et elle a juste elle a répandu. Fait ça bien. Oui, non, elle avait pas juste. C'est pour ça qu'elle avait pas juste une petite gastro. Et elle a répandu ça à la manière d'un marchand de sable, mais avec de la merde. Et on sait pas une méthodologie. C'est ça qui est intéressant. Sur toutes les tables et tout. Enfin, tu vois. Il faut savoir que ça a coûté à la ville près de $2,300 pour récupérer toutes les tables mais qui non. étaient vraiment ruinées de merde. C'est fou. Voilà, donc et on sait pas pourquoi elle a fait ça. Non. Et il y avait combien de tables? Près de 1000. Tom, il a sorti le tableau blanc derrière. Il veut des éléments. Écoute, c'est pas indiqué dans l'article. Ce n'est pas indiqué dans l'article. Mais voilà. En tout cas, voilà, elle ira sûrement en prison. En tout cas, elle a une grosse amende à payer. Tout simplement. Je pense très que étrange, hein, ouais, quand même. Peut-être qu'elle écoutait. Je sais pas. Barbara Streisand, tu vois, ou un ça truc marche. Je pense qu'elle avait juste envie de foutre de la merde sur des tables. Et donc, elle avait quand même une dent contre ses élèves en particulier, peut-être. Hein. À oui, minima, une légère rancœur. Quelque chose, en tout cas. Il y avait un truc entre eux, oui, en tout cas. Il y avait quelque chose qui semblait les embêter. Ce qu'on appelle du bif. Et on va terminer avec le tout. Ah non, pardon, j'ai encore deux autres trucs. La Fouine a sorti un nouveau son. Alors, je sais que la Alors, ça, je sais ce que c'est. Alors, mais vas-y. Aussi, Jérôme. Parce que tout le monde parle de PNL, de PNL. Nanana. Nya nya nya. Nya nya nya. Alors, ouais. Est-ce que tu peux dire ce qu'est nya nya nya? Alors, nya nya nya, c'est le phénomène viral du moment. En gros. C'est même hashtag nya nya nya. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Si je peux me permettre. Et du coup, le son s'appelle hashtag nya nya nya et c'est de la trap où il dit nya nya nya tout le temps. Et où il fait rimer nya nya nya et ra nya nya. Ah bah oui, ouais, on va se l'écouter, vite fait un extrait. Ah oui. En fait, c'est parce que La Fouine avait fait un véritable buzz. Tout simplement, puisqu'il était devant ses chaussures, il y en avait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver sa carrière? C'est terrible. Non, mais en vrai, c'est ça. Non, mais là, il cherche. Là. Ouais. Et donc, Booba s'est foutu de sa gueule, plein de gens s'ont foutu de sa gueule, et du coup, vu que sentant bon le buzz arriver, il a décidé de faire un petit son qui est déjà sur tous les réseaux. Voilà. On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? Nya nya nya. On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? Là, c'est chaud. Nya nya nya. C'est de la peuf, nia nia nia. Et je fais la petite danse à la peuf, nia nia nia. J'arrête pas de mater ses seufs, nia nia nia. Mais je pourrais pas la ken, elle a ses rats, nia nia. Voilà. Donc voilà, La Fouine. Mais en fait, le comble de cette histoire, c'est que. En fait, ils s'aiment pas, La Fouine et Booba, pour les gens qui savent pas. Bah, tu es Mehdi Maizey, pour l'instant. Là, vous êtes sur nos fun. Non, mais du coup, ils s'aiment pas, et bref. Booba s'est foutu de sa gueule en reprenant La Fouine qui faisait Nya Nya, voilà, ouais. Exactement. Et en fait, La Fouine s'est dit, mais putain, c'est trop bien. En fait, il y a un buzz à prendre. Il y a un buzz de ce mec qui se fout de ma gueule. Bah, du coup, je vais faire un single. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Et Non, mais il vit dans son temps. Hein. Moi, il me fait toujours. Enfin, il y a une espèce d'absence de filtre que j'aime bien. Il y a une espèce oui, de. Il se pose aucune question. Il n'y a pas de regard extérieur. C'est. Je suis assez friand de ce... J'avoue qu'on peut pas juger en fait, parce que mine de rien c'est une création artistique. Et on se rappelle que Van Gogh n'a vendu qu'une toile de son vivant, hein. Ouais. qu'il a fait du ferme la fouine, donc il a le droit de faire 2-3 merdes, voilà. Enfin 2-3, 40, et 50 dit, merdes. Il dit lui-même qu'il n'a pas une belle plume, juste un putain de vécu. C'est vrai, c'est vrai. L'annonce. C'est pas inintéressant parce qu'en fait il reprend des codes. Vous êtes vraiment sur nos fun. Oui, mais très bien. Et des codes en fait de viralité, genre Lil Pump et tout. Enfin Lil Pump, le rappeur des jeunes là. Pas le mec qui a vraiment 25 ans. Pas le physio. Enfin, pas ouais, non, pas le kinésithérapeute. Non, pas le mec, le rappeur de la concept. C'est pas Lil Pump. Ouais, voilà. Oui. Non, mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il sait refaire parler de lui via des trucs. Toujours. Extrêmement superficiel et nul, mais ça marche. Il voilà. Y a un truc assez jouissif en fait, ce que tu dis de qui s'en fout. Tu vois, il y a une telle guerre d'ego chez les rappeurs en vrai, et tu vois, qui est le plus viril, mine de rien. Tu vois, même PNL qui sort des codes, ils sont encore virils et pec gainés, comme ils le disent eux-mêmes depuis hier soir. Ils sont très gainés. Voilà. Pour le coup, tu peux pas te foutre de sa gueule, Fweeny Baby. Parce que non mais juste bah. Tu vois les gens qui Booba s'il se fout de sa gueule à la fouine, c'est lui qui est ridicule en fait. Parce que tu dis mais laisse-le tranquille le pauvre, il non mais c'est vraiment en fait... c'est pas dans sa politique Booba de laisser oui, voilà. Ouais. C'est ça et surtout jusqu'à la mort. Booba il a vraiment pris un truc où vraiment enfin il se fait chier hein, Booba je pense. Il se fait chier d'une à Miami dans sa tour d'ivoire, il se fait un peu chier. Mais aussi là la fouine était vraiment ridicule et du coup il s'est un peu moqué comme un gamin et en ouais. Fait les clashs de rappeurs, bah on peut voir ça, Kaaris, Booba et tout, c'est des trucs d'enfants en fait. Et du coup, bah. De toute façon, la fouine, malheureusement, à partir du moment où il a fait la team BS, c'était un peu difficile de revenir. Qui connaît la team BS ici? Moi, je suis tellement. Bien sûr. Moi, je suis un grand fan. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Ouais, c'est vrai. C'était son groupe. Il y avait Fababi. Ouais. Fababi. Et Sultan. Et Cindy de Popstar. Oui. Voilà, c'était Fababi qui a des photos de lui nu. En fait, je joue le jeu de ces gens-là parce que je connais tous ces potins. Enfin, bref. Dans un délire assez similaire, il y a un festival qui a eu lieu, qui va avoir lieu, pardon, au Japon. Savez-vous quel en est le thème ? La le suicide. Pardon ? Il y a eu deux choses très différentes. Ah, parce qu'ils aiment bien suicider. Horrible. Horrible racisme. Voilà. Moi, j'adore la bouffe et le suicide. Ouais, le je fais d'abord. Festival de suicide. Non, mais il n'y a pas un festival de tub. Eh ben, si, c'est ça. C'est, ah, ça, c'est ça. C'est ça. Le festival de la bite. Ça a lieu le 15 ouais. mars à Komaki et d'autres villes japonaises. C'est la fête de Honen Matsuri. La fête de la bite. La fête de la bite. Non, non, mais c'est vrai. Attends, le pénis festival. Bite se dit Honen Matsuri. Non, ça, c'est le nom du festival, mais je sais pas du je tout. Pense c'est plutôt Honen Matsuri. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas l'accent. Je le ferai pas. Non, c'est que dalle. Ouais. C'est Patrick Beau. Bonsoir. Patrick, pardon. Qu'on salue. Qu'on devrait appeler d'ailleurs à un moment donné. qui m'a appris cette information. Ah sur bah, la fête j'espère qu'il y fera une étrange escale. Le festival débute à 9h au sanctuaire Tagata. Une cérémonie religieuse ouvre le festival par des bénédictions. Le point d'orgue étant le défilé d'une statue de bois en forme de phallus sculptée pour l'occasion. Les prêtres Shinto commencent par purifier la route avec du sel avant que le défilé ne commence. Cette statue peut peser jusqu'à 280 kilos, donc une bite de 280 kilos, et mesurer près de 2 mètres. C'est à savoir donc LeBron James. Mais en fait, ce qui va être fou, c'est que tout va être premier degré, quoi. C'est que les gens vont être vraiment là. Bon, c'est sérieux. Bah en fait, c'est la phallocratie, mais il y a un jour dédié où les gens ont le droit d'exhiber en pleine ville une tub. Parce que c'est comme ça le reste de l'année aussi, mais c'est juste qu'il n'y a pas une tub de 2 mois, de mètres en bois. Voilà, tu peux manger des hot dogs en forme de bite. Oh là là, je visualise là. Mais non, mais franchement, il faudrait trop. C'est plus intéressant de faire un festival avec une grosse chatte, non? Bah écoute, à nous de lancer. Moi je trouve surtout ce qui serait intéressant, c'est un hot dog pas en forme de bite. Parce que ouais, un hot dog, déjà ça est en forme de bite. Mais vous savez, à la base, c'est pas très original. C'est pas juste pour dire la bite. Vive la bite. En fait, c'est métaphorique. C'est pour remercier les bonnes récoltes et la fertilité de la terre. Et on remercie avec une bonne bite qui crache du musper. Voilà, tout simplement. Ouais, parce que c'est vrai que le blé sort d'une bite. Ça, plus ou moins. En fait, il faut savoir qu'il n'y en a pas une faite liée à la fertilité, mais il y en a 3 en plus. Mais là, en tout cas, celle-ci, c'est celle du 15 mars. Il y a aussi le Kanamara Matsuri, qui est une fête annuelle aussi de la fertilité. Et pareil, c'est en avril, je crois. Et pareil, c'est le thème principal, c'est le pénis. Pénis de bois dans le grand Mikoshi, le plus ancien. Pénis de fer noir en forme de bateau et pénis géant rose sans toit porté par des hommes en vêtements féminins. Voilà, tout une... J'aime le ludisme, mais là ça commence à devenir énormément. Il y a vraiment beaucoup de bites, quoi. Ouais. En fait, il faut... ouais. En fait, je sais pas pourquoi il écrit ça sur le Wikipédia, mais enfin, je vous transmets tel quel. Une légende raconte qu'un démon aux dents tranchantes s'était caché dans le vagin d'une jeune fille et qu'il avait castré successivement deux jeunes hommes pendant leur nuit de noces. Un forgeron façonna un phallus de fer pour casser les dents du démon et l'objet devint une relique sainte. Le centre du sanctuaire est un atelier de forgeron avec enclume et feu de forge. Donc en fait, c'est une grosse bite en métal pour péter des dents de démon qui étaient dans une chatte. Voilà. Très bien. Le petit très bien loin du micro. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'ai voilà, une anecdote. Les petites infos. Ouais, dis-moi. Parce que je t'ai entendu dire dents tranchantes. Ouais. Ah, mais attends, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez le petit dinosaure. Le film, dessin animé, ouais. Ouais. Et bah, le. Petit pied. Ouais, c'est ça. Denver. Non, surtout pas. Ok. Et, Jurassic Park 2. Et le méchant, enfin, le méchant, donc c'est un T-Rex qu'on appelle dents tranchantes. Et moi, quand j'étais petit. Je le voyais en un mot, j'avais pas compris. Ah, que c'était des dents tranchantes. Que c'était des dents tranchantes. Okay. Et je m'en suis rendu compte vraiment aux alentours de mes 15-16 oh, ans. Wow. J'ai cru que c'est pour moi, j'étais, c'était dents tranchantes en un seul mot. Ah, ouais. C'était putain, c'est dents tranchantes, c'est dents tranchantes. Oh, il avait les dents tranchantes. C'est vraiment c'est mignon. Trop hein. Mignon. Voilà. C'est trop mignon. En fait, c'est mignon après, un peu débile, mais ouais, trop ouais, mignon. Ouais. Le thème qui a été quand même bien réfléchi de mon côté depuis quelques jours, la colère. Et Sophie Marie Laroui, il a déjà été tout énervé contre ton portable. J'attends que tu me donnes du ah grain oui. à moudre pour. C'est vrai, pour elle fronce les sourcils. Elle donne du biscuit. Elle nous donne du biscuit, celle-ci. Ouais, est-ce que tu es quelqu'un de colérique, toi? Ouais. Tu m'as déjà ouais. presque agressé sur le ouais. En fait, tu me vois comme ça, machin, mais dans mon cœur, il y a toujours une chanson que t'aimes bien, là, genre de Pantera, tu vois. Ah, ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a five Minutes Alone, ouais. Moi, j'avais ça. Il y a genre. Je te dirai après, mais. Pantera. En fait, le problème, c'est que plus les heures passent et moins je suis patiente. D'accord. Donc jusqu'ici j'arrivais à saupoudrer ma colère avec un glaçage assez épais de rire, de blagues. Et là plus le temps passe et plus je me lime les dents, serrer les dents et à dire c'est bon j'ai compris, arrêtez en fait, je n'arrive plus à me à contenir ta colère. Voilà. Et du coup je suis clairement en lutte contre les dictates. Hein. Oui, c'est comme ça que tu te définis. Non, c'est vraiment c'est long en fait, ma vie elle est en défense et d'ailleurs j'ai des migraines tout le temps parce que je n'arrive plus à me contenir. Mais c'est depuis toujours ou c'est un truc récent? Alors j'ai toujours été quand même plus ou moins vénère, tu oui, vois, ouais. Mais jusqu'ici j'arrivais à faire genre, tu vois, à faire passer qui par la séduction, qui par l'humour, par le débat. Ouais. Et là maintenant je suis là genre ta mère. Ouais, d'accord, ça m'a un peu fait mal, mais donc, ok. Je suis désolée. Tom, toi t'es quelqu'un que je connais qui est un peu. Au demeurant qui m'a l'air assez calme, je n'arrive pas à t'imaginer t'énerver. Est-ce que quand même des fois il y a de la grosse colère qui dégueule? Alors. Ouvre les yeux Tom là. Alors, petits yeux, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Non, mais ça va, je suis bien. Bah en fait je suis très calme, oui. Et justement j'ai été très peu colérique toute ma vie puisque j'ai été une victime toute ma vie. Mais voilà. Justement ça énerve. Donc, ça m'énerve, mais après je me calme. D'accord, parce que tu ne peux rien faire. Donc, voilà. Mais j'ai eu des fulgurances, comme tous, comme tout à chacun. Quel genre? On verra, tu vois. On verra de demain, fin d'après-midi. Le bon je te dis client. Ça. Très très bon client, ce Tom. Qu'est-ce que je te dis? Bon, après, non, mais voilà. Non, mais quoi, tu nous diras peut-être plus tard, Adrien. Peut-être, ouais. Quelle est la question? Non, mais je veux savoir, est-ce que t'es quelqu'un qui peut t'énerver facilement? T'as un petit personnage de gars qui critique un petit peu les trucs qui l'agacent, qui a l'œil tranchant, l'œil vif. Est-ce que tu et non pas les dents. Et non pas les dents qui sont d'ailleurs toujours pas soignées en plus. Pas soignées, mais j'ai plus mal. Peu tranchant. Ah, donc c'est pas mal déjà. Tranchant. Et ouais. Très peu tranchant. Est-ce que tu as... C'était ça la blague de départ, hein, les gars. De quoi? Pour dire. C'est dents tranchantes, hein, c'était ça qu'on disait. Oui, bah, c'est fier de nous. Bah, rien, il y avait rien vraiment des regards complices. Rien qui peut couper les couilles d'un contrôleur à Nancy. Ouais. Est-ce que tu qualifierais de nature énervée? Oui. Irascible. Oh. C'est ma. Et c'est une surprise pour tout le monde autour de ça. Non, c'est ma copine qui m'a dit oui, bah, t'es irascible. Ah ouais? J'ai dit oui. Oui, je m'énerve. Bah, en fait, ça monte vite en fait, quoi. Vraiment sur la frustration qui passe dans une turbine. Ça devient de la colère très vite. Tu sens le truc. Et, mais ça redescend vite aussi, quoi. Ouais. Sous-collé alors. Choupolet, ouais, on peut dire. On peut dire choupolet. Enfin, non, parce que je suis vegan. Oh! Je rigole. Non, mais. je plaisante, bien sûr. Non, vous inquiétez pas. Eh, vous énervez pas. Non, parce que la colère. Non, mais ouais, oui. J'ai. Ça va mieux. Tu fais des exercices ou pas? Je. De la méditation. Te branler. Réponds à ma place. Non, mais. Alors, me branler, ça, je pratique depuis depuis que quelques années. Tu t'énerves en te branlant ou pas? Non. Ah merde! Ah la barbe! Tu chier. Oh la barbe! Cette voix était. C'est Winnie l'ourson. Il y avait le mouvement, bien évidemment, de la masturbation. Oh, Jean-Christophe, la barbe. Ça m'est arrivé. Raymond DeVos. Mini digression, ça m'est arrivé de m'énerver devant un porno il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Regarde. Bah, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui t'énerve? Parce que là, c'était mal joué. Coup de gueule. C'était deux meufs et tout allait bien. Puis il y a un gars qui arrive. Et vraiment, j'ai fait ah non. Là, c'est mon jour de repos. Avec sa grosse bite là. T'avais bien cliqué sur l'intitulé. Mais oui, c'est ça. Parce que normalement, le porno, justement, c'était vraiment titre assez explicite. Non, mais attends, en gros, le titre. Vraiment, au milieu, le mec arrive, c'est le titre. Mais vraiment. Avec gros, sa grosse bite. Le titre du porno, c'était genre Dyke plus Dyke plus Dyke. Donc à un moment donné, normalement, on essaye. Triple Dyke, c'est un super film d'action aussi d'ailleurs. Et le mec, c'est Stanley Dyke, qui est un acteur. Qui adore enculer. Il est passé entre les mailles du filet. Et bref, et je me suis vraiment vénère. Donc j'étais occupée, tu vois, et j'ai dit non. Donc j'ai fermé avec le coude. J'ai dit non, je suis désolée, non. Je suis pas d'accord. Non, ta mère, ouais. Ta mère. Et voilà, ouais, c'est reparti. Ça a monté. Fin de mon anecdote. Moi, je m'endors en branlant parfois. Ça m'arrive. Alors attends, parce que. Non, mais c'est intéressant parce que. Moi, je me suis endormi après. Oui. Non, ça, moi, comme beaucoup. Mais pendant. Mais parce que tu fais des petites pauses, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les vidéos de bébés qu'on voit qui s'endorment en mangeant. C'est ça. T'es un petit bébé comme ça qui se branle et mal à l'aise, mais ouais. Ouais, des bébés comme ça avec sa bite et tout. Et il s'endort, il est tout mignon comme ça. Non. Horrible. Il a sa bite, puis il a plus de bite. Il s'endort, il est tout mignon. Il s'endort. Non, mais j'aime bien me branler avant de me coucher. Ouais. Et des fois, je me dis, allez, on y va là. Allez, mais je suis trop fatigué, je m'endors. Ouais. Je suis allongé, sur le dos. Oui, bien sûr. Non, mais j'imagine assis debout, avec la tête qui pend, qui tombe un peu. Sur un gros mur, tu sais. C'est pas un cheval, il s'endort pas debout en se balançant de gauche non, mais à droite. Ouais, comme ça m'arrive. Ah, waouh. Moi, je me suis énervé avec un porno aussi, mais c'est parce qu'il changeait de plan trop vite sur. La Real. C'est la Real qui m'a agacé. J'ai appelé Ludoc, j'ai fait j'aimerais 2-3 bidouilles pour ce porno. En fait, ça passe dans des gros plans qui mettent. Moi, je déteste les gros plans dans les pornos. Ouais, moi aussi. Et vraiment, au moment de jouir, et hop là, c'est vraiment ensemble. Surtout les gros plans sur le trou de balle du mec qui est en train. Au moment de jouir. Mais là aussi, il faut que tu regardes le titre de la vidéo. Hein, si t'as se renseigner quand même. Maintenant, on dirait souvent la mue d'une. Cul bien écarté de mec. Effectivement. Ça m'étonne pas que. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est depuis l'époque d'Internet. On ne lit plus les notices, on ne lit plus rien. On dit toujours on est sur le portable. Et allez. Du coup, C'est une Black Mirror, à mes yeux. Non mais c'est vrai que ça me ouais. Mais moi maintenant je regarde plus trop de pornos en ce moment. Je regarde que des pornos qui me fascinent un peu. Genre il y en a un qui revenait la dernière fois. C'était il baise mal sa copine de... Non cet étudiant baise mal sa copine devant son chien. Oui donc en fait cette cosmo espace là de titres français en général c'est de mauvaise qualité. En général les bonnes vidéos sont déjà il y a rarement du 1080p, ça je tiens à le dire. J'ai jamais fait attention à et ça. Et le titre était vraiment et en fait en plus moi c'est un peu trop proche de ma vie pour que je regarde. C'est qu'en fait je regardais le il baise mal sa copine dans son linge, je fais bon il la baise pas si mal. Franchement ça va. Oh, attends. En plus il a un chien en fait, tu te dis merde bah c'est. Sa vie est chambée. J'envie ce mec qui est présenté comme un loser sur un site porno. Peut-être une remise en question de ma vie. Jérôme Niel, est-ce que toi des fois tu t'arrives de t'énerver? Jamais. Sors ton téléphone Android là, tu l'aimes bien je crois. Non mais je l'ai pas encore cassé, ça va. Avant celui-là, oui, j'ai cassé mon téléphone. De rage. De rage. Parce qu'il avait oublié ses lunettes de ski. Non. Un truc comme ça. Moi, je me souviens, mais t'auras peut-être pas. Tu veux le raconter? Bah, si, oui. Tout est censurable, hein, tu le sais, on n'est pas en direct. Non, mais je vais laisser Adrien, on va voir s'il s'en souvient bien. Alors, moi, le souvenir que j'ai, c'était qu'on était au Snow Web Comedy Festival. Oui, ça c'est c'était vrai. Le jour du départ, on retournait à Paris, c'est ça? Ouais. Départ très matinal. Matinal. Il y en avait un qui avait fait la bamboula la veille, le petit Jean Miel. Bamboula ? Et. Oui, la bamboula, c'est pas raciste. Hein. Putain, et, non, mais oui, non, je sais pas ce que ça voulait dire. Et. Ouais. Baptiste Lorbert, qui était dans la même. On ne peut pas le citer. Qui était dans le même appart que Jérôme, croyant bien faire. Réveille Jérôme en lui disant, mec, faut y aller, on part. Le bus part dans 20 minutes. Voilà, ouais. Et Jérôme. Qui avait mis son réveil mais 10 minutes après, un truc voilà. Comme ça. C'est, elle a dit non, mais hey, j'ai pas besoin que tu me réveilles, ok? Je suis grand, c'est bon. Hein, bon, peut-être sans doute, peut-être un peu bourré de la veille encore. Bah oui, on avait dormi 2 heures. Voilà. C'est horrible. Et donc, c'est c'était vraiment le truc de daron de hey, je suis grand, hein, je suis un grand garçon. Tu vas pas m'apprendre. C'est pas toi qui me réveilles, mon gars. Non, mais il était énervé pendant c'est des heures. C'est colérique, et vraiment. Et il a jeté son téléphone qui était dans un piteux état quand même. Oui, parce qu'en fait, et du coup, j'ai pris mon téléphone qui était déjà un peu dans un piteux état, je l'ai allumé. Et il y avait une mini barre qui traversait l'écran. Et là, j'ai fait bon. Dans la demi-seconde, je l'ai explosé contre le mur le plus fort mais possible. Mais tu visais Baptiste hein J'étais très mauvaise humeur. Il était énervé à cause de Baptiste. Et j'ai craqué. Là, après, c'était vraiment un excès de colère. Ouais. Et après, c'est. En fait, après, j'avais plus de téléphone. Parce que c'est vraiment ton meilleur ami, en fait. Donc, à un moment. De quoi ? C'est vraiment. Enfin, il aurait pu t'aider ce matin-là. Ouais. Ouais, voilà. Et mais. T'as passé un très mauvais. J'aurais pu t'écouter une petite chanson qui t'apaise et tout. Un petit non. podcast, un petit no fun. Je l'ai explosé et je suis allé changer pour ce Samsung que j'ai actuellement. Oui. Et je suis très déçu. Voilà. Et il m'avait demandé, à ton avis, est-ce que je prends un Android ? Je lui avais dit, non, à mon avis, reste sur un iPhone, t'es habitué. Il a pris un Android et vraiment, j'ai des vidéos de lui. Qui est vraiment à deux doigts de l'éclater ah sur bah une voilà, table. Et pour rejoindre aussi SML, c'est effectivement moi aussi je sens que c'est la patience, c'est pas mon fort non plus quoi. Ça s'érode. Hein ouais. Ça s'érode. Ouais. Et pour tout, bonsoir. Et pour tout et n'importe quoi. Et moi du c'est coup, la. Je perds patience. Ouais. Moi c'est la mauvaise foi. La tienne ou celle des gens? Non, quand quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, ouais. Ça monte très très vite parce que c'est le truc. Quelqu'un qui comprend pas, c'est pas grave. Quelqu'un qui y a un quiproquo. Mais les gens qui maintiennent un truc et c'est faux, c'est sûr que c'est faux. Tu sais, ils disent une phrase et tu fais bah attends, pourquoi tu dis ça? Et puis fais ah non, c'est que je voulais dire ça en fait. Tu dis bah non, de toute évidence. Tu inventes un truc là, c'est pas du tout ça que tu voulais dire. Quand ils veulent changer d'avis, c'est ça qui voilà. Est là en fait. Non mais qui, oui, non mais de la mauvaise foi quoi. Et ça monte très vite. Et toi, Flopton? Moi je suis d'un naturel énervé. Mais pareil, je travaille beaucoup. C'est fou, on dirait pas du tout ni Jérôme ni toi. Ben moi en fait le truc, mais parce que j'étais énervé. Jérôme quand même. Ah bon? Jérôme, il a fait. Tu vas pas assez côtoyer. Comment ça va les salopes? Moi j'ai une anecdote. Moi j'ai une anecdote sur Jérôme. Ah ouais. Il a planté un gosse quand même. Il y a des Corses qui voulaient le taper en fait, vraiment. Quand on est parti en Corse, ouais. Bon, on était au resto. Encore une soirée. Non, même pas. Tom venait de voler une bouteille. Et c'était la première journée où on arrivait en Corse et tout pour faire des bails. Et du coup, ou... à un moment, on mange dans un resto qui est pas ouf. Ouais. Et on peut pas prendre en cash. En fait, ils prenaient pas en carte. Non, ils prenaient pas en carte. Ah, ça, ça énerve. Je me souviens ça. Voilà. De toute façon, le service des loges, Jérôme, faut que ce soit un peu bien. Sinon, ça peut l'agacer. Un truc qui l'énerve, c'est les gens qui disent qu'il y a un minimum pour la carte bleue. Alors, ça il aime pas ça du tout. Ça m'a fait pareil quand j'ai appris que c'était pas obligatoire. Bah, c'est ça. Moi, toute ma vie, j'ai cru que c'était obligé, que tu pouvais pas payer moins de 10 euros parce qu'ils avaient genre signé des contrats et qu'on m'a appris que c'était juste par pure flemme. Et moi aussi, on m'a dit ça. Et normalement, si t'arrives avec ton texte de loi, normalement, tu devrais être en mesure de payer. Mais tout le monde a pas un dalos sur soi. Et même, je pense que même si tu sors la loi, il va te dire, je pense à mon avis, le tabagiste, par exemple. Ouais. Le tabagiste. Celui qui vend le tabac. Le buraliste qui vend toutes sortes de tabac. Voilà. Le burelier. Mais, par exemple, c'est pour les clubs, c'est genre minimum 3 paquets, tu vois. Ouais. Et donc, et je suis sûr, même si tu lui montres le texte de loi, il va faire d'accord. Et donc bah appelle les flics. J'appelle Julien Courbet, il est là, il est derrière, il est devant. Effectivement, ça m'énerve et effectivement quand on était au resto avec on bouffe à une tablée de 20 personnes, ils nous apportent des pastas, le vin et tout, trop bien et tout. Et à la fin, on prend pas la carte. Comme ça. Non. il nous sert, mais personne, genre on était 20, personne n'avait du cash. Personne. Mais bah, tout comme... si vous avez mangé comme des oufs, bah oui, il faut un beaucoup, mais beaucoup ça, de cash, quoi, il... ça veut dire. Bah oui, bah, oui. Bah, on est tous allés à la tirette. 20 personnes qui sont allées à la tirette. Oh, non, on a fait même des bandes, on a donné des cartes. Et le problème, c'est comme beaucoup de restos, enfin beaucoup de commerces n'ont pas, en plus, ne proposent pas la carte, et bah, les tirettes non pas d'argent puisque tout le monde va prendre rien. Donc il faut aller encore possible. Plus loin chercher, et tu vois, c'est vraiment ah, c'est comme ça là, que tu tiens les gens, hein. Là il nous tenait, enfin il faisait de la méthodologie, mais ce qu'il disait pas, c'est qu'il s'est vraiment énervé en face de Corse qui était vraiment pas bienveillant, tu vois. J'ai pas et senti je me bah, me souviens pas de la culture. T'étais tout colère, t'étais tout colère, et du coup tu voyais pas ce qui se passait, et nous on avait les peur. Fusils voilà. Les guns, c'est ça. Moi j'ai des ouais, moi j'ai des trucs de ça sort d'un coup, en fait, ça qui est un peu relou. C'est que je contrôle pas trop, c'est comme un éternuement, quoi. Il y a vraiment un truc où ça va me saouler d'un coup, et les jeux vidéo par exemple me font ça. J'ai un peu arrêté, mais j'ai pété. Moi j'ai arrêté. Ah ouais, ouais. Mais genre tu pètes un câble comme dans une caméra. Je lance la manette, caméra. Vraiment. Ouais. J'ai déjà lancé la manette. Gros bébé cadeau pour moi. Ouais, mais encore pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Ouais. Ça c'est pas mal. Alors c'est quoi, c'est-à-dire? Bah, en fait, bon, c'est Far Cry New Dawn. Ouais. Qui est sorti il y a 2 mois, hein, c'est un aspect. Bah voilà. Et j'ai enfin il y a un boss qui est vraiment le boss final du jeu, extrêmement dur, bien faut le tuer, et en fait c'est vraiment un sac à PV, quoi. Faut vraiment lui faire perdre des points. Et vraiment à 2 trucs près, j'ai glissé et le personnage est tombé, c'est-à-dire que le boss ne m'a même pas tué. Bah la manette a été lancée vraiment directement cassée. Non, pas cassée. Pas cassée. Pas cassée, car Sony fait du très bon travail sur les très manettes. Bonne manufacture. Très très bonne manufacture. Mais ouais, non, là j'étais, c'est parti d'un coup. Voilà. Ouais. Moi NBA 2K, moi ça me ça, ça te ouais, ça c'est très frustrant. Et il y a, et le pire au début, c'est ça rend fou, en fait. Le pire, c'est NBA 2K en réseau, parce qu'en fait NBA 2K, faut, bon c'est un peu technique, attention, je suis un geek, désolé, waouh. Non mais en fait faut, pour tirer, faut appuyer sur le bouton et le relâcher au bon moment pour que le tir soit parfait. Ouais. Sauf qu'avec le lag du jeu en réseau, ouais. En fait, ça, il y a des sautes. Injustice totale. Donc t'appuies et bah, c'est tout en bas de la jauge. Tu fais merde. Tu fais un tir de merde, horrible. Là, les. Et injuste. Voilà. Et injuste. C'est pour ça que je joue pas trop en ligne aussi, parce que. Bah justement, bah pour revenir à ces histoires de en ligne, parce que souvent quand on s'énerve, c'est quand on joue en ligne. C'est pour ça que les gens deviennent fous. Moi en ce moment, je joue à Smash Bros. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bah bien sûr. Bien sûr. On est tous des geekos ici, donc. Non, pas moi. Mario. Tu connais Mario, tu connais? Ouais, c'est le. Et bah, c'est Mario qui se bat. Ouais. Avec d'autres personnes de Nintendo. D'accord. Genre Zelda. Ok, genre Zelda, Link. C'est le. En Link. Fait, Link, c'est Link. Parce que c'est Zelda, c'est la princesse. Oh ah, quel gros jeu! Mais tu peux prendre aussi Zelda dans Smash Bros. Et ouais, voilà. D'accord. Donc, nuance. Et Kirby. Ouais, et Kirby. Tu peux prendre Kirby et Ganondorf, que j'appelais Gérondorf toute ma vie. It's Ganondanced. Ouais, Gunnum style, c'est vraiment un nom pas ouf. Ouais. Tu peux prendre Gunnum style, c'est un méchant. Dans le plateau Mario, c'est pas le grand dégingandé avec un manteau un peu prognate là? Un manteau prognate. On parle de Fashion Week là. Ouais, mais si, Ganondorf, c'est ça, il est prognate. C'est ça, Ganondorf. Il est prognate. Ganondorf. Ganondorf. Oui, Ganondorf. Je vois le délire. Et contrairement à tout le monde autour de cette table, je suis très peu colérique, mais j'ai une colère virtuelle. Donc en fait, envoie l'emoji avec l'air qui sort du nez. Non, c'est pire que ça. C'est que je joue en ligne. Et j'essaye d'être le meilleur, parce que c'est ce que tu essayes de faire. Bah, c'est pour ça que t'as été éduqué, toi, de toute façon. Bah, tu veux être le meilleur dresseur, je crois, toi. Bah, je veux être dans l'élite. Et en fait, le truc, c'est que je perds des fois. C'est pas ma faute, c'est vraiment il joue mal et oui, je me fais avoir. Et c'est le lag, c'est le lag, c'est le lag. C'est la Big Ben. Et moi dans ma tête je me dis, si je le vois en vrai je vais le niquer. Et en fait, ce qui est drôle, quand même, ouais. C'est que à l'époque je jouais déjà à Smash Bros. J'ai une grosse histoire avec Smash Bros. Mais je faisais des tournois et le en ligne existait pas, donc en fait on faisait des tournois en LAN. IRL, comme oh, on dit. Oui. In real life, you know. Bien sûr. Ouais, bon, je te rappelle qu'on est geek, hein, donc. Non, oui, bah j'ai compris. Dofus. Et du coup, à un moment, en fait, il y a un mec avec qui on se parlait sur un forum, et en fait, on se détestait parce qu'on a joué un peu en ligne, ça laguait, on n'arrivait pas à marcher, on n'arrivait pas. T'es nul. Et je perdais. Et le mec, il me teasait comme ça, et je lui dis, mec, quand je te vois, je te vraiment. au vrai tournoi qui va se passer, genre, je sais pas, tu vois, Courbevoie, tu vois, c'est toujours dans des granges horribles. Je vais t'enculer. Je dis, mais mec, si tu me parles mal, je vais te défoncer et tout. Vraiment, on s'est vu et c'est devenu un très bon pote. Donc, rien à voir, mais voilà. Comme quoi, la colère virtuelle n'est pas la vraie colère réelle. Bah, c'est ce que j'ai appris de cette. Comme quoi, t'es un hater d'internet. Absolument. Quand on, les gens qui disent derrière son clavier, c'est facile, mais c'est, il parle de toi. Il parle de toi. Absolument. Il y a une anecdote d'un auditeur qui tenait à la partager avec nous, là, qui voulait dire que sa première vraie colère, c'était quand il ou elle, avait 20 ans. Ça faisait un mois que. Bon, je raconte à la première personne. J'avais 20 ans, ça faisait un mois que je sortais avec ma première copine. Elle m'annonce par SMS que finalement elle préfère qu'on reste amis. J'étais peu entreprenant, c'est la première fois que j'étais si proche avec une fille. Sous le coup de la rage, j'ai tapé très fort contre un mur et avec le choc, mon corps s'est dit qu'il était probablement le temps de détendre mon sphincter et je me suis chié dessus. Oh wow. Pile au moment du coup contre le mur. Ah, en tout cas, c'est bien rédigé. très propre. C'est un premier L qui nous a envoyé ça. Non, mais c'est vrai que le couple, parfois, ça peut tendre un petit peu, j'ai l'impression, où je me fais. Ah bah oui! Attention, mais oui. Ouais, tu vois, il y a un truc de. Moi, je me souviens que mes plus grosses colères avant, c'était vraiment. Alors, c'était pas, évidemment pas quand elle était là, mais c'est vrai que moi aussi, j'aurais pu taper, je pense, contre des murs de rage. De... Moi, j'ai un truc où. Des fois, je crois qu'on est fâché. Genre, on a un peu des mots, genre, non, elle se casse. Et moi, je suis genre, putain, non, je suis énervé et tout, et je suis dans ma tête en train de prévoir l'engueulade, à prévoir tous les trucs et tout, machin. Et je suis énervé là, je suis en train de m'exciter et tout. Et puis elle revient, genre une demi-heure après et tout. Et en fait, tout va bien. Mais moi, je croyais qu'on était fâchés, en fait. Ah. Donc je suis en train de m'énerver. Et puis je fais, ah d'accord, on n'est pas fâchés. Parce que j'ai déployé. T'étais prêt, quoi. J'ai déployé des trésors d'énervement et de colère. T'as sorti l'octogone gonflable. Oui. Ouais. Non, mais est-ce que toi, parce que là, tu dis, ah bon, on n'est pas fâchés. Alors que moi, j'ai un peu ce truc-là. Mais en fait c'est bon, enfin moi je suis déjà passé à autre chose. Et je fais donc t'es passé à autre chose, ouais. Et en fait moi je suis toujours un peu. Ah ouais, mais parce que toi t'es un gamin. Bon, waouh. Super dur. Non, mais c'est beaucoup. J'ai plus du mal à redescendre, quoi. Mais je redescends évidemment, mais. Ouais, mais moi c'est parce que je pense qu'il y a aussi un côté. T'es vieux. Non, mais je me mets en condition, genre. Tu vois, c'est plus genre. Tu sais que tu vas te battre, tu fais des pompes, quoi. Ouais. Là je dis, ouais. On va s'engueuler. Donc je me. Puis après elle fait, ah, ok. Bon, comme quand tu te branles. Voilà. Mais je m'endors après. Je m'endors, je fais, ah, on était pas fâchés. Sophie Marie, toi, des fois, est-ce que le couple est plus énervé? Non, mais moi, je suis une bouffonne, hein, donc. C'est-à-dire? En couple, je suis vraiment une bouffonne. Tu sais pas faire? Je suis une bouffonne. Mais vraiment, autant je sais que je suis une machine de guerre le reste du temps, mais en couple, je suis une bouffonne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais mettre un COD à cette phrase. Je sais pas m'embrouiller. Donc je dis n'importe quoi, j'arrive pas à... Tu vois, j'ai l'impression d'être une fumée de cigarettes électroniques quand je m'embrouille. C'est-à-dire que ça sent la fraise, ça fait de la vapeur, mais tu sais pas ce que c'est, tu vois. T'es là genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et peut-être dans 10 ans, ça va développer des maladies. Bah, c'est pour ça que j'apprends à jouer selon mes règles. Donc ça fait bizarre à autrui. Mais je suis obligée, sinon c'est sûr, je vais faire un ulcère ou une tumeur quelque part. Quoi. Bien sûr. Déjà, je suis à peu près sûre d'avoir fait une rupture d'anévrisme. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Parce que j'ai lu que Daenerys de Targaryen, elle avait fait ça. Elle en a fait deux, même, je crois. Voilà. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça. Après, elle a accouché deux dragons, ce qui est vraiment un truc que toi, tu n'as pas fait. Non, mais... L'actrice qui joue Daenerys, elle a fait deux AVC. Ouais. Waouh. Mais après, son mec, c'est machin là, c'est moi. C'est Fabregas. Florent Bernard. Non, le mec de Family Guy là. Seth MacFarlane. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ah, je savais pas. C'est vrai. Des petits potins. De Daenerys Targaryen. Dans le, je continue à vous parler un petit peu de moi. dans la frise chrono. Mes premières histoires, c'était des gars, franchement, ils savaient pas faire. Mmh. Donc du coup, genre, on se battait, tout, c'était ridicule. Ils m'arrachaient les cheveux. Me défendais. Pas que ridicule, un peu douloureux également. Oui. Non, mais c'était pas. Problématique. C'était vraiment sans règles. Ouais. Et après, j'ai dû réapprendre à fréquenter correctement. Ouais. Et du coup, à la première embrouille, limite, tu vois, je suis comme ça, genre. Ouais, tu la vois, celle-là. Et les gars que je vais fréquenter après, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? on va pas se frapper. Enfin, jamais de la vie. Et je suis là, genre, ah, ok. Alors donc du coup, j'ai aucun code, ouais, tu vois. Enfin, ouais, maintenant ça va un peu mieux, sûr, mais je sais pas. Pour moi, quand on s'embrouille, déjà, c'est sûr, il faut que je m'excuse, même si j'ai raison. Ouais. Parce que je me dis, tu sais quoi, à un moment, j'ai dû dire un truc. Ouais, c'est toi qui a rien compris. Donc, je suis vraiment une bouffonne. C'est pour ça que je dis, je suis une bouffonne. Après, c'est pas forcément mauvais de s'excuser. De non, mais moi, c'est, enfin, moi, c'est, je trouve que c'est bien que faute, les deux. Il y a toujours un truc. Enfin, tu vois, quand on s'engueule, souvent, les torts sont souvent partagés, quoi. Bah, passe à la maison. Ah. Non, mais après c'est moi. Peut-être de mauvais choix. Comme je dis que je suis une bouffonne, je sais que c'est moi qui suis. Tu vois. Non, mais moi, je sais que souvent, quand je m'engueule avec ma copine, il y a toujours les deux qui ont un truc dont ils peuvent s'excuser, quoi, tu vois, et c'est, enfin, présenter leur excuses. Allez, même pas à le dire. Allez, il s'est rebranlé. Non, je suis fatigué, mais moi, à une époque, je me baladais, moi. J'avais besoin de sortir, ce qui était vraiment sur la venue. Sur la, ouais, bon, le ah ouais, et ça, les meufs, elles aiment pas. Bah, je sais, ouais, pas. En tout, ouais, cas, mais mes compagnes appréciaient peu. Moi, c'est vraiment ça commence à monter. Je fais bon, bah, je vais faire un tour. Et moi, je revenais vraiment pour le coup calme, parce que en fait, ça fait, ouais, ça fait, enfin, on en parlera sûrement un peu après, mais c'est vrai que quand tu t'énerves et quand ça redescend, tu te trouves souvent très très ridicule de enfin, en tout cas, moi, j'ai ça, oui, de te retrouver très très ridicule de t'être énervé. Beaucoup de T et de R. Et du coup, quand t'es, je revenais, la personne était vraiment encore très énervée parce qu'il y a assimiler ça à une attitude de lâche, ce que pas forcément, oui, ou d'abandon, fond. De quoi, oui, en tout cas, enfin, non, de devoir, bah, se balader, moi je trouve ça sain de, ouais, se calmer, bah, j'avais besoin de me barrer en tout cas, mais surtout je parle de, bon, maintenant heureusement je gagne bien ma vie et tout, mais c'était quand je vivais dans 20 mètres carrés avec une meuf. Non, mais quand il, tu vis dans 18 mètres, il jette son argent au visage, je paye des gens pour s'engueuler avec sa meuf, ouais. Non, mais quand je vivais la meuf à qui ça durait plus longtemps avant ma meuf actuelle, on vivait dans 18 mètres carrés, donc c'est trop peu. C'est pire. Enfin, pour, ouais, je trouve ça assez. C'est dur. Voilà. Quand je vivais dans 32 mètres carrés, enfin 29 même, ouais, je faisais beaucoup de balades aussi. Bah, de toute façon, quand tu travailles ou tu dors ou tu manges, il y a un moment où c'est sûr, ça pète. Même si vraiment. Même si tout se passe bien, ouais. Même, ouais, si tout se passe bien. Ça dépend ce que tu manges. Si c'est des flageolets, ouais, ça pète, ouais, ouais. Et je parle de prout, hein. Ça pue la merde dans le froc. J'aime bien le rire de Jérôme. Pas mal celle-là. En fait, ce qui était intéressant, c'était le combo, tu vois. Le mec comme enchaîné, bon, comme dans Devine Mec Rai, bref. Oh, le geek. Le rap, la geekerie, c'est un hybride, ce mec. Bah, c'est un produit c'est de ton époque, rôle, toi. C'est mon rôle. Pour moi, t'es PNL. En fait, c'est une Twizy. T'es QLF, je suis l'espace culturel, qu'est-ce que tu veux que je te dise. T'es plutôt Rapta ou Stenda? Je suis plutôt Stomy vegan. Oh, ouais, joli. La réponse à tout. Quelle a été bouteille votre parking? Quelle a été votre plus grosse colère avec un proche de votre propre famille? Qui a des frères et sœurs déjà ici? Moi. Vous êtes jamais. Oui, ah, attends, je viens de me rappeler que mon frère m'avait poussé à bout quand j'étais petit et je l'avais coursé avec un coupe-papier. Oh, bah pourquoi? Mais t'avais fait quoi? Mais il me faisait chier tout le temps, mon frère, quand j'étais petit. Vraiment, il était insup. Mais il te faisait chier comment? Il te chantait Céline Dion dans les oreilles ou il te faisait chier genre il te frappait? Non, non, mais tout. Vraiment, il était. Les deux en même temps. Je vais pas développer. Un frère, quoi. Comme non, un, mais frère, oui, voilà, frère, un frère. Frère, quoi. Voilà, ouais. Et vraiment. Grand, et grand frère, petit frère, quoi. J'ai 6 ans de moins, donc il, ouais, y avait pas de. Voilà. Et, ouais. Et non, il m'avait vraiment fait chier, vraiment. Il m'avait poussé à bout. Je m'étais énervé. J'avais pris un coup de papier. J'allais courser avec. Dans je l'aurais sans doute de pas planté, mais. S'il s'arrête et qu'il fait, bah vas-y. Vas-y, plante-moi. Mais j'étais vraiment énervé. Il m'avait vraiment énervé. Mais. Ah, je m'étais vengé un jour en lui tatouant Selena sur le cul. Ah. Exactement. Non, non, mais j'avais fait un truc à la maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est-à-dire que j'avais, en fait, j'avais mis une punaise en haut sur la tranche supérieure de la porte de ma chambre. J'avais mis une ficelle. En fait, à côté de la porte, il y avait un meuble, un haut, une armoire, quoi. Et sur l'armoire, j'avais mis un dictionnaire. J'avais mis une punaise dans le dictionnaire et j'avais relié les deux. Ce qui fait que quand tu tirais la porte, ça faisait tomber le dictionnaire et je l'avais appelé. Julien, viens voir. Bah, mais c'était pris le dictionnaire mais dans non. la gueule. T'étais déjà un génie film, du mal, ouais, mec. Déjà. Et, vraiment, je l'avais fait. Et quand j'avais vu que ça. Et je me disais, bon, ça marchera pas de toute façon. Et vraiment, le truc a fait bam. Vraiment, balancier dans le coin de la gueule. Et je me suis dit, oh, je vais me faire défoncer. Et je sais pas s'il y a eu un truc de genre respect, tu vois. Pour ouais, le... je pense ouais, qu'il a respecté ouais. l'initiative. Ouais. Il m'a rien fait, tu vois. Moi, mais tu sais, moi j'étais en grand. En même temps, c'était impressionnant. Genre, franchement, j'étais. Il y a un mec qui me fait ça, je lui dis, je vais pas trop l'emmerder, tu vois. Même s'il est plus jeune, ouais. Surtout s'il est plus jeune. Donc toi, t'es grand frère. Moi, je suis grand frère. Et moi j'ai été un peu dur avec mon petit frère aussi. Mais parce qu'en fait c'est mais vraiment pas pareil. Et maintenant il va chez Zach l'artiste, donc ouais, tu peux être fier de toi. Et maintenant les gens préfèrent l'inviter lui que moi aux soirées. Oui. Non mais là où moi j'étais un peu bah déjà on ça relie un peu avec ce que je disais sur les jeux vidéo. C'est quand on jouait aux jeux vidéo ensemble et que lui me battait à Street Fighter, je me battais avec lui en tête, okay, pour lui montrer que dans la vraie, peut-être dans Mortal Kombat 2 tu faisais Blanca. Ouais, c'est ça. Sur peut-être sa dans gueule. Mortal Kombat 2 tu gagnes, dans la vraie vie je te démonte quand même. Et le pire que je lui ai fait, c'est que je l'ai traîné sur trois rayons au jouet club de Hautain, et du coup je lui ai brûlé intégralement le dos. Ah, putain. Sans faire exprès, je l'ai juste traîné par les pieds. C'est de la moquette par ou... la moquette, oui, il y avait de la moquette partout, c'est boutique avec putain, de la moquette. Et mais j'avais pas dans le but de lui cramer le dos, je voulais juste le traîner et l'humilier dans trois rayons. Et il hurlait et tout, mais moi je pensais qu'il hurlait genre laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. En fait, il hurlait de douleur parce que je lui ai cramé le dos. T'as des frères et sœurs, Tom ? Non, je suis fils unique. Parce que je me disais, ça aurait pu être un bon thème, les trucs de frères et sœurs et tout. Mais on nous a demandé d'ailleurs, Adrien, qu'un jour on fasse un truc où j'invite Julien et Théo. Ah. Tu vois, un truc. Mais moi là, si tu veux, je peux te parler de solitude. Si tu veux. Moi aussi. Toi, Jérôme, t'as un frère ? J'ai deux frères, un grand et un petit, ouais. Il y a eu des engueulades, Il y a eu bagarre, ouais. Moi, je me souviens que j'ai dû à un moment foutre un coup de pied dans les roubignoles. Ouh là là, du grand frère alors. Du grand frère. Bah oui. Et après, j'étais poursuivi dans toute la maison et dans le jardin et j'avais très très peur. Ouais, tu m'étonnes. T'avais peur pour ta vie ? Ouais, vraiment, là, il était déter. Il était déter. C'était grand ou petit ? C'était le grand. Ah oui, mais d'autant plus. Ouais. Quand t'es grand, il y a vraiment plus l'humiliation. Et je crois que la mère est arrivée à la rescousse avant que je sois assassiné. Elle t'a mis un coup de pied dans les couilles et tout est rentré dans l'ordre. Moi, ma mère, tu sais, elle m'a fait aller. Elle était un jour tellement énervée contre moi. Parce que moi, j'étais très maladroit petit. Mais genre, avec le recul, vraiment, c'est insupportable pour les parents. Genre, un exemple ? Bah là, je vais te donner l'exemple qui fait qu'elle a pété un câble. Le même jour. J'avais une souris blanche. J'étais ado, j'avais une souris blanche chez moi parce que je voulais un animal de compagnie et mes parents voulaient pas prendre de chien. Donc j'avais une souris blanche à moi et donc je changeais sa caisse et j'ai bouché la baignoire avec de la paille. Ça c'était le premier truc. Ensuite j'ai renversé du blanco sur le parquet, qui est du parquet stylé et tout. Et un autre troisième truc, je me souviens plus quoi. Mais en tout cas c'était trois gros trucs. Et là elle a appelé une amie à elle pour que je dorme chez elle parce qu'elle était tellement énervée qu'elle a dit vraiment je veux plus vraiment je à bout quoi vraiment c'est dur quand je veux plus le voir je c'est bah physique après, là si le gamin il te fout de la paille dans la baignoire non mais c'est dur. Faut l'expliquer au gosse quand même faut pas le virer genre elle me l'a expliqué quand je suis revenu le lendemain mais bon t'as passé une nuit à te dire je suis une belle merde quoi. Oui mais c'était trop bien parce que c'était des amis c'est je vais te dire pourquoi non c'était trop mais bien c'est un mensonge et la mauvaise foi m'énerve tu vas exactement comprendre pourquoi c'était trop bien non c'était l'ami de ma mère parce que nous on n'avait pas internet. Et l'ami de ma mère, en fait, avait eu un enfant. Laisse-moi y aller. Avait un enfant et lui avait construit une cabane. Mais genre une cabane où il y avait une douche, enfin, genre un petit appartement dans le jardin. L'ado n'y était plus parce qu'il était maintenant adulte. Donc j'ai pu dormir tout seul à 14 ans, donc c'est un peu la fête. Et en plus, il y avait Internet. Waouh. Du coup. Mais Internet. Branlade. Ouais. Mais Internet de quand j'avais 14 ans. On connaît, donc tu connais. Donc c'était plutôt des photos que des vidéos. Enfin, t'avais 14 ans, ouais. Donc ça va. 13 ans peut-être, 13 ans. Mais oui. C'est pas trop dégueulasse quand même Internet à cette époque-là, ça va. Bah, c'était pas fou encore. Bon, non, ça va. Ouais. Il y a la DSL quoi. Bon, en tout cas, là, c'était pas. En Bourgogne, tu sais, on était encore au. Ah oui. Tu vois, oui c'était le trou du cul du monde. C'était. Fallait aller au puits pour avoir Internet, tu sais. Et toi, Sophie Marie ? Non, de ça va. Colère de famille ? Ouais. Mes parents, ils sont vraiment trop mignons. Donc, ça en est vraiment presque relou. Parce que c'est des boulets, mais ils sont trop mignons, tu vois. Par contre, mon frère, lui, il est chambé. Et donc, je me suis fâchée avec lui, mais pour un truc un peu pas grave, tu vois, un peu relou. D'accord. Parce que, contrairement à moi, où j'ai plein de défauts, mais vraiment, je suis pas perso. Ouais. J'étais dans le partage. Il est perso. Il est pour sa gueule. Et ton frère ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, quoi. Le fameux Jean-Louis. Ouais. C'est chaud parce que je l'adore et tout, mais il pense qu'à son cul. Mais en même temps, il fait du vélo. Je crois qu'Adrien veut montrer qu'il sait de qui tu parles. Je crois, hein. Le mais... prénom, c'était n'importe quoi. Ouais, ouais. Mais tant mieux, comme ça. comme il écoute pas ce que je fais, du coup, il se reconnaîtra quand même pas. Et bref, un jour, il habitait juste en dessous de chez moi. J'avais un appart au premier, lui, il avait un appart au rez-de-chaussée. Et je lui prêtais ma machine à laver, parce qu'il en avait pas. Et ma machine à laver est tombée en panne. Donc déjà, je vous passe les détails. Genre, quand il voulait faire une machine, il sortait mes habits, il les mettait par terre et il mettait ses habits. Enfin, tu vois, vraiment un connard. Pas très bon coloc. Et ma machine est tombée en panne. Il s'est mis avec une meuf et je suis allée en disant, est-ce que je peux faire une machine? Et il m'a vraiment ouvert comme si j'étais un témoin de Jéhovah, tu vois. Ah oui, genre avec le petit loquet en métal. Et il m'a dit, on préfère que tu te débrouilles autrement. Et il a fermé la porte. Donc la petite colère. Je me suis énervée, mais même pas contre lui. Faudrait que je lui dise que c'est un connard en fait. Ouais, hein, là faut que ça sorte, hein, j'apprécie. Ouais. Est-ce que vous vous énervez contre vous-même? Oh bah putain, oui. Comment je là, oui. Allez, on s'arrêtera là pour cette session. Ouais. On se revoit très bientôt dans un podcast. Ah, moi je me cognais, ouais. Moi je m'insulte beaucoup. Moi aussi. Quand je fais un truc. Quelle bouffonne. Je suis genre, mais évidemment, pauvre con, ça marche pas. Connard. Moi vraiment, je me suis brûlé une fois avec un briquet. Bon, allez, non, mais là c'est. Sciemment? Ouais, absolument. C'est émo, là. Et du coup, t'es énervé pourquoi? T'es énervé donc tu te brûles? Ou oui, tu t'es brûlé en vraiment mutilation. Et en fait, mutilation. J'étais tellement furieux contre moi-même je me suis automutilé. Mais non, mais si, moi aussi j'ai eu non, ça. Non, mais c'est une époque où j'écoutais The Ramsus. Non, mais. The Ramsus. Sais, moi, de temps en temps, je me tape la tête, genre. Oui, voilà. Comme ça, tu vois. Moi, la manette Big Ben, je me l'étais explosé contre le front aussi. Bon, allez. Bah, non, mais en fait, c'est la même chose. Il a quand même pris un truc qui fait une flamme. Non, non, mais là, il y a un truc quand même plus, plus rituel, quoi. Oui, c'est un coup de sang. Il y a un truc pareil. Il y a un truc de chaman. Non, mais on est là, quand t'es même. T'es allé chercher le briquet, t'as fait, il est où ce briquet? C'est pas possible. Il est pas sous l'évier. Ah, il est là. Je voilà. Attends, remonte ma manche. Non, mais les gars, c'est. Enfin, je mais me t'es détestais. Un débile. Je me détestais. Non, et du coup, j'ai vraiment fait ça, j'ai essayé de me brûler. Bah, c'est horrible, ça me fend le cœur. En fait, je voulais vraiment avoir mal, et en fait, je me suis fait une ampoule. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et après, j'ai arrêté. Mais je pense que non, mais c'est triste, hein. Je me demande si c'est pas un proto du futur, Tom, en fait. Hein. À un moment donné, il y a quand même quelques signes, quoi. Non, bah écoute. Pour moi, t'es Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, quoi. Tu ressens pas la douleur, t'es genre. Est-ce que vous savez, parce que moi je suis allé sur un petit site internet qui vous propose, est-ce que vous savez quoi faire pour ne pas vous énerver et vous calmer? Cette phrase était vraiment très j'ai... On dirait que il y avait, tu sais, ça laguait et ça a repris. Ouais. La phrase était bien aussi. J'ai l'impression que tout le monde fait des phrases bizarres. Non, non, c'est ça. J'essayais de décrire justement quand ça lague et que ça reprend plus loin dans la phrase. C'est ça que je voulais dire. Je me relance. Je suis allé sur un site qui conseille 10 choses à faire pour se calmer. Et si je les partageais avec vous? Se branler. Alors moi je suis... Ouais. Vas-y, moi ça m'intéresse. Tu vas voir, c'est les meilleurs. Mais donc j'ai pas répondu tout à l'heure, mais... Pardon. Non mais ça me revient. C'est que moi, une de mes résolutions, c'était de faire 10 minutes de méditation tous les jours. Ah ouais. Et vraiment c'est très très bien. Vraiment là, faut que je m'y remette. Mais je l'ai fait pendant plusieurs jours et c'est vraiment bien, quoi. Bien vraiment, t'es calme, et t'es détendu. C'est quel type d'exercice de respiration? Exercice respiratoire? Moi, j'utilise une appli. Ouais. Geek. Donc, c'est méditation guidée où il te dit faites ci, faites ça. Parfois, c'est genre visualiser tel truc, machin, etc. Ils mettent des s'il te plaît quand même. Concentrez-vous sur votre respiration. Maintenant, concentrez-vous sur. Peut-être que machin. Ça fait partie du top 10. Peut-être, ouais. Mais. Ça aide. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ouais, moi je sais avec la boxe. Je sais que Sophie et Marie, on partage le le sport. Coach. Boxe, méditation et psy. Ouais, et moi je fais thérapie. Pas les deux autres trucs, mais boxe déjà, moi ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Il faut que je trouve un psy. Ouais. Moi j'ai jamais vu, qui me convient. Je suis jamais allé voir un psy, moi. J'adore ma psy. Je sais que je suis sa patiente préférée. Bah, il était assez d'ailleurs sujet à l'énervement. ouais, il était assez vénère. Oui, bon, bah merde, discutation le cœur. Non, mais moi c'est Larry David, ton psy. Bon. Mais il était spécial. En fait, ça faisait des années que je voulais pas, enfin, j'osais pas prendre rendez-vous chez un psy et tout. José Pagarcia. Quand. Oui. Voilà. Et bon, après la mort de mon père, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller faire un petit tour. Voir comment ça fait. Mais d'ailleurs, il y a une À chaque fois, ton détachement me tue. En plus, je l'ai appelé au téléphone. Et moi, j'ai un peu. Enfin, ça me stresse le téléphone. Ouais, donc, il y avait vraiment triple stress. Et donc, le mec décroche, il fait oui. Donc je fais ouf, aimable. Je fais oui, bonjour, ce serait pour prendre rendez-vous et tout. Fait. Non mais comment vous avez eu mon numéro? Je fais, non mais bah, gars, c'est une escorte quoi. Ouais, ouais, je fais bah c'est sur internet et tout. Il fait oui, bah là, pas avant la semaine prochaine. Hein. Je fais oui, bah c'est très bien et tout. Il fait ok, bah la semaine prochaine et tout. Et il était assez vénère, bizarre et tout. Drôle. Et pour je finis pour l'anecdote, c'est pas trop dans le thème. Non, mais en fait, il avait toujours au moins une heure de retard. Au moins. En fait, il a créé plus de problèmes qu'il en a résolu. Non, en vrai, ça a un peu aidé, mais puis il a créé de belles anecdotes aussi. Et aussi, il n'avait pas de secrétaire. Donc pendant que t'étais genre, parce que là, c'est vraiment un psy où tu t'allonges et tu parles et tout. Machin. Il a des lunettes et un poster de Freud, enfin. C'est voilà, vrai. Voilà. Et mais du coup, donc t'es en train de dire. Et alors là, quand j'étais petit, ma mère elle m'a dit. Et téléphone qui sonne. Il fait ah, excusez-moi. Oui, allô. Et il répond au téléphone. Alors, mardi 14h. Ouais. D'accord. Oui, alors bah, une Vésuvio. Je vous ai déjà demandé. Bah, attends, tu rigoles. Mais dans le meilleur des cas, c'était genre oui, bah je peux vous voir mardi et tout. Mais souvent, il décrochait et c'était genre oui, bah tes clés, tu les as laissées dans l'entrée. Écoute, je te les ai laissées là. Bon, tu manges à la maison ce midi, t'as cours à quelle heure tout. C'est genre bah sinon plus tard hein, peut-être entre deux clients. Sauf que plus tard non parce qu'il a déjà une heure de retard. Oui, donc, voilà. Et le bouquet final, il me fait attendre un temps. Mais vraiment, je crois que c'était entre 1h30 et 2h, vraiment de retard. Pour te dire, je ne suis pas psy. Ça fait 3 mois qu'on se voit. Non. Je m'appelle Franck. Franck Astambide. J'ai du retard parce que j'ai écrit Taxi 5. Non, on rentre et vraiment au bout de 5 minutes où je suis en train de parler, et le téléphone sonne, il décroche, il fait oui, allô et tout, puis il fait oui, quoi? Ah mais attendez, je comprends rien, là. Qu'est-ce que vous me dites là? Non mais quoi? Quoi? Il me fait bon, excusez-moi, vous pouvez sortir. Donc je sors. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je sors du cabinet. Et moi, je l'entends parler au téléphone, genre quoi? Non, mais c'est quoi cette histoire? Et tout machin et tout. Et j'attends. C'est ras long. Et vraiment, j'en ai ras le cul. Je me barre. Je rentre chez moi à pied. Et c'est pas tout près. C'était au moins une demi-heure. Oh là là. Aucun contact avec moi. Donc ça veut dire qu'il est encore resté au téléphone pendant tout ce temps-là. Pour le moment, tu me l'as pas vendu. Voilà. Ouais, mais j'arrive en fait, moi, j'ai une question, qui t'a conseillé cette personne? Mais quoi. Personne, je suis tombé. Ouais, le web, la toile. T'as j'ai cherché un psy pas loin de chez moi, je suis allé voir son site internet, il disait des trucs qui me plaisaient, donc je disais, bon, vas-y, pourquoi pas, de toute façon, faut essayer quoi. Des mots-clés puissants. Ok, moi je veux la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que donc, je rentre chez moi, il m'appelle, il me dit, je suis désolé, mais il m'arrive un truc, on m'a volé mon identité. Quoi? Et le mec s'est fait voler. Jason Bourne. Ouais, c'est ça. Il s'est fait voler son identité. Comment ça? Et vous connaissez pas le vol d'identité? Quoi? Mais c'est genre, tu, par exemple, tu t'ouvres un. Putain, mais. En fait, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Donc tu t'achètes. Enfin, peut-être. Enfin, tu. Bah, par exemple, tu t'ouvres une ligne, un forfait téléphone, alors son nom. D'accord. Et c'est lui. Enfin, c'est le vol d'identité, c'est un délit, mais. Oui, le film, quoi. Ouais. Et le mec s'est fait voler son identité. Et donc il m'a dit bon ouais désolé on se revoit quand et tout. Je dis non mais on se revoit pas, ça marche pas, c'est fini. Il fait ah non mais quand même faudrait qu'on en parle et tout. Je dis non mais c'est bon. Et on est sûr que c'est pas un film avec Liam Neeson. Ouais, on dirait vraiment. Ou bien le bureau des légendes. Après ouais. Il m'a dit je sais où t'habites. Je sais pas ce que tu veux. Bah non, on est psy comme ça. Moi c'est ma meuf, elle a été voir sa psy et à la 3e séance sa psy a explosé en sanglots. En disant, on va pas pouvoir continuer en fait, je suis désolé. Mais non, ah, merde. Sans lui donner plus d'explications. C'est pas vrai. Ça m'a dur. Passablement énervé. Et là, pour le coup, on est dans le thème. Et elle, ma meuf a dû me retenir d'aller chez la psy et vraiment. Enfin, tu vois. Enfin, moi, l'exemple que je dirais, c'est vraiment comme si tu payais un maçon qui te détruit ton allée, mais deux pavés autobloquants et se casse. Fait non, je suis désolé, faut pas continuer. Non, en mais sanglot. C'est ça, en hurlant, en pleurant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle avait commencé à faire un travail et elle a pas été au bout, quoi. Elle a tout pété dans le cerveau de ma meuf et l'autre, elle s'est mise à chialer. Ouais. Ça m'a vraiment c'est énervé. Dur. Ça m'a vraiment après, énervé. Après, elle contrôlait pas la psy. Oui, c'est si pas... elle pleure, t'appelles c'est... derrière. Enfin, t'envoies un mail, déjà tu prends tes excuses, enfin c'est excusé quoi, elle pleurait, mais tu fais un débriefing quand même de ce qui s'est passé quoi. Oui, tu ouais, parce oui, que là peut-être. Du coup c'est horrible quoi, elle a juste dit tu peux pas, on peut pas continuer et bah ça s'est arrêté là quoi. Ouais, ouais, enfin ouais. Bah, 3 séances à 80 balles, tu fais bah quand t'imagines même. Quand même les épaules qu'il faut pour être psy. Oui, bien sûr. C'est horrible. Non, mais moi, je n'en veux que... pas d'avoir pleuré. Non, mais je n'en veux de pas avoir. Si, je pense. T'es masculiniste à mes yeux. Bah, je suis versus fonte, en tout cas. Je peux pas vous dire mieux. Non, mais tu vois, juste de voilà, le mauvais moment, je l'accepte. Mais derrière, dit voilà, je suis désolé, effectivement, on va pas pouvoir continuer et expliquer pourquoi surtout. Après, je vous recommande des collègues, voilà. Des trucs comme ça. Ma psy, parce qu'on s'entend hyper bien et qu'elle m'adore, elle m'a dit au détour. T'es amoureuse de ta psy. Ouais, ouais, je fais un transfert au maximum. Okay. Elle s'appelle Sophie en plus, donc. Okay. Et bon, elle m'a dit au détour d'une conversation, parce que je disais, oh là là, il faut vraiment que je fasse du cash pour acheter la yourte en cash, tu vois, parce que c'est mon objectif d'acheter une yourte. Bien sûr. Et je dis, mais j'en ai marre et tout, j'ai vraiment l'impression d'être folle. Et elle me dit, non, mais m'en parlez pas, moi aussi je veux une yourte, les gens ils sont tous cinglés ici, tu vois. Et donc j'étais là, mais genre. Non, elle te répond ça. Ouais. Elle veut une yourte, elle aussi. Ouais. Bon, tout le monde veut des yourtes ou quoi? C'est quoi? Non, non, mais... Jérôme. Elle veut ta pote, elle veut et être voilà, ta pote. On est d'accord. Ah. Ouais, bah faut changer de psy, voilà. Non. Mais si, parce que là, elle va te dire ce que tu veux entendre, parce qu'elle veut être ta pote, elle va pas te dire ce que mais tu as besoin d'entendre. Ça a l'air, elle a l'air sympa. Quoi. Elle est nulle. Je l'adore. Bah oui, je suis pas si on est encore dans le thème, justement. Mais. On est passé dans le thème psy, là. La crème glacée, quelle est la meilleure? Ou pas d'être pote avec ce psy? Bah oui. Ah bah ça se fait pas. Bah ouais. On est d'accord, donc on non, est non, sur BD, ouais, ça c'est sûr. Non, ça c'est pas. Mais elle m'a dit, en fait, elle m'a prévenu de tous les trucs, parce que une fois dit, j'adore à bientôt vous... te revoir, c'est trop des barres. Non, mais par contre, elle a lu mon livre. Je l'inviterais, ce serait trop marrant. Alors, la séance. Une des premières fois que je l'ai vue, elle m'a appelé pour échanger une séance. Elle me dit, au fait, j'ai lu votre livre, il est super, hein. Et j'étais là, genre, c'est chelou. Ouais, il y a un truc. C'est qu'elle a de te regarder. Ouais, voilà. J'ai fait là, et tu l'as enchaîné direct. De garder. Voilà. Ouais, bah, je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, mais au demeurant, elle m'a vraiment. Et au Nicolas demeurant. Oh, joli. Bon, c'est que dalle. Je vais me foutre à poil. Elle m'a vraiment fait. Ouais, évoluer sur. Bon, bah, c'est sur... bien. Sur y a, tout un tas de trucs. Il n'y a jamais tout acheté, tu vois. Non, mais franchement, j'arrive en disant je vais tous les baiser, en fait. Je vais baiser le monde. Oui. Voilà. Ou rien. Baiseuse. QLF. Ouais. QLF. Donc, en tout cas, les conseils. Oui. Outre voir un psy. En programmation. Eric et Vramsi. Oui. Bah, si bah, ça je marche. Me hais là. Vous voyez, quand on s'énerve après soi-même, c'est maintenant. Ça m'intéresse ce que tu vas dire là. Je suis en train de me planter mentalement là. Je me poignarde. Voilà. Allons-y. En programmation neuro-linguistique. PNL. En PNL, on travaille avec les ancrages pour susciter, par exemple, une modification de l'humeur. Oui. Faire appel à d'autres émotions. Tu deviens texte d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on dit à une femme? Regardez une photo de vacances, un fond d'écran vous rappelant un moment de détente agréable passé en famille avec des amis dans un lieu que vous adorez. L'émotion de la colère va être fugace, mais c'est ce que vous allez penser à ce moment-là qui va vous miner. Bah, moi, ça faut, marche pas. Donc, il conseille de regarder une photo. Ouais, il va falloir un truc un peu plus costaud quand même. Si je suis énervé, je la bouffe la photo. Passe-moi ça. Parce que là, on est vraiment sur un PowerPoint de pour être heureux. Je suis sur doctissimo.fr. Je suis pas Il va falloir quelque chose de plus costaud quand même. Ok. Je te donne le suite d'après. La colère additionnée au stress peut devenir un tsunami. D'une manière générale, pratiquer un sport permet de mieux prévenir les risques d'énervement. Ça oui. Donc, ça, c'est vrai. Faire du sport. Ça oui. Ah. S'isoler. Donc on n'était pas si loin tout à l'heure de, quand je disais sortir. Rien de tel que de changer de lieu pour fuir la situation responsable de votre colère. Changer de pièce pendant une année. D'où la yourte, voilà, c'est ça. Changer de pièce vous mettra dans de meilleures conditions pour changer d'état psychologique, d'humeur. Cela vous permettra de prendre du recul, au sens propre comme au figuré, sur la situation. Vous serez ainsi plus à même de retrouver votre calme pour mieux raisonner et gérer la raison de votre colère. C'est vrai que moi je l'ai fait une ou deux fois ça, par rapport au couple, tu disais là. Je suis allé faire un tour, je suis allé prendre un café, et vraiment tu reviens, tu fais bon. Oui. Et vraiment tu reprends sur. En fait, parce que comme t'es. Mais on devrait le faire à chaque fois. Comme en fait. T'es parti à un moment où ça n'avait plus aucun sens de tout. De vois, parler, de. Voilà, tout se bouscule en fait, il n'y a plus de la lucidité. Tu pars tout seul comme ça, un café s'il vous plaît. Et là t'es tout seul, tu fais bon. Ça redescend, tu réfléchis un peu. Et hop, tu reviens, moi c'était 15 minutes, 15-20 minutes après. Hein. Oui, non, et après, vraiment, t'arrives dans l'appart, déjà c'est calme. Ouais, toi, ouais. T'as un truc sonore différent et tout, tu fais. Alors, on s'installe, et bam. Et là, hop. Là, tu l'assassines. Voilà, et là, bien sûr. Alors, celui-là, j'ai hâte de voir la vie d'Adrien. Oh, merde. Lorsqu'on est en colère, on est hors de soi. L'énervement se dirige généralement contre l'autre personne que l'on tient pour responsable. Nous vous conseillons donc de se toucher le bras pour revenir à soi. Ce contact avec notre corps aide à prendre conscience de ce qui se passe, à retrouver ses esprits. Il est outré. Quoi ? Qui a écrit ça là ? Là, c'est Nathalie Débédan. Débéban. DBZ. Ouais. Fusionné avec un ami. Mais attends, mais Débéban. Si moi on me touche le bras, vraiment, je retrouve. Non, tu te touches ton bras. Ah, comme un câlin. Tu te fais comme ça, tu fais, allez, ça va aller. Ouais. Ah, remarque, là, je le fais, c'est pas mal. Non, en fait, tu passes de colérique à fou allié, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve que c'est très dur, je le fais. Tu caresses la joue, tu caresses la joue. Quand je suis vraiment en crise de panique vénère suite à une colère, je me regarde dans le miroir et j'ai envie de me voir ridicule pour me calmer, tu vois. Mais en fait, je trouve juste que j'ai une gueule de bouffonne. Ah ouais, non, c'est vrai. Tu vois. Moi, je trouve ça pas crédible. Alors, des miroirs partout dans le. Des miroirs partout, faudrait mettre des miroirs partout dans le salon. Des miroirs partout. Là, tu te vois. Des miroirs où ça? Dans partout. Et Ophélie Winter. Buggé. Ça dit trois fois le truc. Des miroirs partout. Partout. Des miroirs partout. Bon, c'est nul, hein, ces conseils. Hein. Vraiment, c'est pas ouf. Boire de l'eau. Voilà, ouais, bon, allez, allez, ciao. Il faut s'hydrater. C'est un même Twitter d'il y a deux ans. Hein. Bah, mais écoute, boire de l'eau ou se passer de l'eau fraîche sur le visage permet de se désaltérer et de faire retomber la chaleur corporelle qui monte avec l'énervement. Vous retrouverez peu à peu une température. Sur l'instant, ça peut être intéressant. Non, mais c'est Topito. Non, c'est Doctissimo. Il y a docteur dans le titre. Voilà. Non, il y a Doct. Il y a Doc. Allez, encore un. Essaye de. Je suis chaud. Les bidouilles de Ludoctissimo. Allez. Réfléchir. Oui, d'accord. Bon. Se calmer. Mais non. Râler. Ouais, bon, bah oui. Râler une énième fois peut vous aider si cela vous permet de réaliser que vous êtes en colère. Mais merde, t'sais, mais c'est comme si t'avais un chat dans la gorge, tu toussotes, puis à un moment tu fais. Et là, c'est fini, tu vois. Oui. C'est genre. Mais attendez, est-ce que ça ne marche pas comme ça? Quand vous êtes en colère, vous arrivez à dire la vraie raison? Oui. Ah ouais. Je sais pas, c'est très vague comme que question. Moi, il me faut entre 6 mois et 4 ans pour dire la vraie raison pour laquelle je suis en colère. Mais pour le dire, pour le dire ou pour toi comprendre pourquoi t'es en colère? Non, moi je sais. Ah d'accord. Ah, donc t'es de mauvaise foi, quoi. Je suis pas de mauvaise foi, j'ai peur qu'on m'aime plus. Oui, bon, allez, ça là, t'essayes de faire la mignonne pour rendre mignon ta mauvaise foi. Mais tu crois que c'est mignon de se regarder, de se trouver une bouffonne? C'est pour faire le buzz. Je peux quand même pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est horrible, franchement. Non mais c'est, tu sais, un pire sentiment, c'est vraiment horrible. Vous avez pas ça, vous avez pas peur. Excusez-moi, Maurice, vous avez pas peur. Maurice pas peur. Oh. Non, c'est drôle. Docteur pas peur la boisson. Tom me hait. Non mais je vais. Non mais en fait là je me dis juste, bah en fait on est en roue libre là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Jean-Pierre pas peur. Ah ouais. Et pas peur pompier. Plus du tout dans le thème, en fait. Pas peur son pied. Tom il est outré qu'on soit plus dans le thème, il croit qu'on est sur Europe 1. C'est pas grave. Bah ça t'énerve ce qu'on dit. Donc vous avez pas peur. Donc on est dans le thème. Oh joli. Non moi j'ai pas ça. Et quand vous êtes en colère, vous savez toujours pourquoi vous êtes en colère? Sur le moment oui. Après il y a pas forcément toujours. Il y a des petits trucs dessous. Moi souvent par contre je dis je suis pas énervé, je suis fatigué. Alors que c'est vraiment être énervé. Mais je dis genre non, mais là c'est parce que je suis claqué. Toi tu t'énerves un peu, tu vois qu'en face ça a pas envie de se prendre la tête, donc d'un coup t'es le méchant parce que si en face ça veut pas se prendre la tête, t'es juste horrible. Ouais. Et donc tu fais non, excuse-moi, c'est juste là, je suis claqué en ce moment, je bosse de ouf, je suis fatigué. Voilà. Alors, ouais, parce que cela dit, la fatigue c'est un vrai accélérateur d'énervement. Mais alors moi, le facteur ultime. C'est si c'est j'ai Danny faim. Boone dans Bienvenue chez les Chinois. Non, si j'ai faim. Comme un gros bébé, on y revient. Ah non, mais là c'est. Et alors ma meuf est pareil, vraiment. Et alors, vraiment. Mais maintenant, du coup, on sait. Du coup, il y a de quoi bouffer chez eux. C'est, ça qui est cool. C'est pour ça que j'ai toujours à bouffer dans mon sac tout le temps. Parce que. Et vraiment, on est pareil. Mais sauf que bon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc quand on commence à un peu s'embrouiller et tout, pour des trucs nuls, tu vois. Tu dis, tu sais, tu déplaces un truc et puis elle fait, non, mais ça va, je l'ai posé là et tout, tu fais, bon, allez, mange. C'est toujours, quand c'est l'heure du repas et tout, tu fais, bon, allez, mange. Et donc elle fait, oui, je mange, ouais, bah quoi, je mange. Et après elle bouffe, elle fait, bon, oui, fallait que je mange, clairement. En vacances. Et pareil pour moi. Ah, c'est trop drôle. On s'est rendu compte de ça aussi, mais en vacances, quand c'est vraiment 24 heures sur 24 ensemble, c'est aux heures du repas où on commençait à s'engueuler plus aussi. Nous, on a déjà mangé avec mon gars, genre. Sur un dock à Marseille, quoi, tellement on était en train de s'embrouiller à la mort. Ah. Et on a mangé entre les mouettes et les dockers en combi de plastique, là, tu c'est sais. C'est une chanson de Patricia Cass, que... Entre les mouettes et les dockers. Je l'imite mal, du tout. T'as imité Gilbert Bécaud. J'avais dit que je le ferais. Attendez, dites-moi si, parce que pour moi j'ai un vrai don d'imitation, attends. Mais soi-disant que non. Tom, un avis sur ce qui se passe? Aucun, très peu. Non, non, très là peu. On fait des imitations, c'est dans le thème, t'inquiète. Sophie Marie, Michel Jonas, go. Ah ouais, mec de la mec. Garde la Garonne. Elle fait Morane. Salut Pépite, où est Shérif que je la somme. Mais ça c'est déjà pas la même belle marquise. Parce que je ris. Mille et belle baronne. C'est pas du tout. Mais c'est attends, mais moi, j'ai pas fini. Mille et mille et mille et mille et mille et joueurs de blues. Thomas, non, il est outragé. C'est pas assez. C'est de la chiasse, putain. Non, parce qu'elle nous l'a fait en réunion. Moi, je me casse. Elle nous l'a fait en réunion. Non, mais en train de se brûler. Et pour vous dire, elle nous l'a fait en réunion. Moi, je me disais, bah, c'est, ça ressemble pas. Jérôme, il a fait. Quoi ? Non mais attends, c'est censé être une imitation là ? Parce qu'il avait pas entendu le début en fait. Où elle avait dit je vais faire Michel Jonas. L'imitation réussie. Donc il était sur son téléphone, il entend non. Il fait, mais c'est censé être une imitation vraiment là ? Et vraiment, sincèrement, il demandait, c'était pas une vanne. Oui, oui, voilà. Parce que... Donc bon, c'est... Mais alors on m'a toujours menti parce que ma famille m'a toujours dit non. Elle a fait, vous faites trop bien la vérité. T'imagines, je lui imiterais Michel Jonas en séance. Vraiment la meuf qui n'a pas yourte. De problème. Elle fait, mais trop bien. Attendez, j'essaye Patricia Cass. Il joue avec mon cœur. Ah, pas mal. Il joue avec ma vie. C'est Guy Béard. Ma un peu mieux. Petite est comme l'eau. Elle est comme l'eau vive. Arrête, t'aimes fou le cafard. Je suis sûre que c'est une chanson sur le viol en plus. Oh non. Comme la pêche au moule et mais tout. Mais arrête, toutes les chansons sur le viol. L'aigle noir de Barbara. Le doc de Michael Jackson. Axel F de Crazy Frog. C'est bon. Très axé sur le cul. Le cul. Tom ? Vous êtes sûr de nos fans ? Une petite imitation. Ouais. Oh bah, très peu. Je me mettrais. Moi, Kian, il m'a appris, il le fait mieux que moi, mais à imiter José Garcia sur un mot. Attends, j'étais de le faire un peu loin du micro. Ah putain ! Ah si, pas mal. Moi, je l'ai, non, je l'ai pas. Donc, râlez une énième fois pour vous aider, ça vous permet de réaliser que vous êtes en colère. Voilà, donc. Ouais, pas... bon bah. Merci de nous ramener. En fait, quand t'es en colère, tu râles. Tu oui. Respirez. Bon, oui. Allez. Ah oui, non mais si, c'est la méditation, c'est le petit bambou ça. Concentrez-vous. Oui. Enfin, c'est mieux de respirer pour rester en vie quoi. Bah oui, bah écoute, concentrez-vous sur vos sensations, sentez l'air pénétrer vos narines, vos poumons se gonfler, puis expirez doucement. Écrire. Ah. Non, impossible. Ah oui. Vous avez tellement accumulé de contrariétés que vous êtes au bord de l'explosion. Couchez votre colère par écrit. Consignez sur une feuille tous les événements qui vous agacent. Réprimande de votre supérieur, retard de paiement, oubli d'anniversaire. Bon là c'est l'auteur qui a justement voulu voisin bruyant. Cet exercice vous libérera d'un poids et vous visualiserez mieux ce qui suscite votre énervement et pourrez alors chercher des solutions pour chaque souci. Mais non mais moi je vais être déçu. Enfin c'est notre travail d'écrire donc je vais juste dire. C'est... En plus c'est de la merde ce que t'écris donc d'accord super. Mais c'est pas grave. Aucun style. Ouais, mais non mais. Tu vois. Mais t'as jamais écrit, genre, quand t'avais un truc qui te travaillait, genre écriture un peu automatique? Non, et tout parce que je trouve que j'ai vraiment envie de me jeter par la fenêtre quand je suis en colère. Vraiment, je suis pas si safe, tu vois. Non, mais pas donc... forcément quand t'es en colère, mais quand ça va pas. Ah oui, en mode Genali un peu, ouais. En mode journal, quoi. Genre, en mode gourde. Moi, j'avais installé un logiciel qui, en fait, si je crois que tu tapes pas pendant 5 secondes. Ça efface. Ça tue un gars. Non, ça efface ce que t'as écrit. Du coup, t'es obligé d'écrire tout le temps. Quoi. Et du coup, ça t'oblige à vraiment. Tu peux mettre nazi apparemment. Non, mais c'est pas mal. Bon, il y a une astuce où tu peux faire A, efface A, efface A, efface A. Tu vois, t'écris une lettre, tu l'effaces, ouais. T'écris une lettre, tu l'effaces. Ah, oui. Et ça compte comme si t'écrivais. Mais bon, mais ça te maintient un peu dans un état de genre, faut écrire quoi. Mais c'est bien pour les trucs où tu veux juste vider la tête quoi. Et du coup, ça te fait sortir des trucs un peu quoi. Putain, c'est marrant. Pas mal. Ah ouais, t'as un truc comme ça, ça me stresse. Et ça, tu l'as fait toi. J'ai essayé une fois, ouais. Dans une période où. Ouais. D'accord. Ouais, moi, ouais. Je prends un Xanax et je mets petit bambou et franchement, ça arrive à me calmer correctement quoi. Après, le faire sans se médicamenter, c'est pas mal. Oui, enfin, je veux pas me. Enfin, s'il existe, c'est bien qu'il faut le prendre. C'est comme l'héroïne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande un peu pour tout le monde comment gérer la colère sur un tournage ou contre des gens avec qui on collabore. Ah, déjà, une colère sur un tournage, j'ai pas vraiment souvenir moi. Non. Moi, j'ai eu. S'il y avait pas de café, parce que Jérôme il dit, bon, mais t'arrives, premier truc que tu fais, tu mets le café. Vrai ou pas? Oui, non mais je suis d'accord. Moi, je sais que si j'étais régisseur, ce serait mon truc objectif numéro 1, même je la mets par terre. Avant d'apporter les tables, je te jure, c'est tout le monde est comme as, tout le monde, mais n'importe qui attend le kawa. Bien sûr. Ouais. Et je me suis jamais énervé pour ça en vrai. Oui. Enfin, j'ai râlé, mais. mais c'est par contre, conseillé. Donc. En revanche, c'était sur le tournage de La Petite Histoire de France, j'avais fait un épisode. et ça s'était pas très bien passé. Genre je savonnais le texte et tout, tu vois. Et là j'ai pas pu, tu vois, j'ai pas pu me contrôler quoi. Là j'étais comme si j'étais au bagueule quoi. Ah ouais. Sauf que je connaissais vraiment pas grand monde. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Je faisais putain. Ouais, quand tu sors ta prise, ah tu hurles. Ah oui, tu t'étais pas embrouillé avec quelqu'un. Tu t'es énervé après toi-même. Ouais. D'accord. Mais du coup, par rapport au truc de tournage, là, j'ai pas du tout réussi à me canaliser. Tu flippais tout le monde, quoi. Le fou. Ouais, les gens, à un moment, ils attendaient, non, ça va, tu veux prendre le temps et tout. Je fais, non, ça va le faire. Et de toute façon. Et je en fait, et plus je m'enfonçais, plus je re-ratais. Ouais. Plus ça. On perdait du temps. Donc t'aurais dû faire la petite pause, je pense. Ouais. Bah oui. Et eux c'était des, en plus c'est des plans séquences en fait. Ouais, ouais. Et du coup ils enchaînent, tu sais, ils en font je sais pas 24 en un jour, enfin tu sais, c'est vraiment des, c'est une grosse machine. Ils apprennent, les comédiens qui viennent apprennent leur texte en fait de 30 épisodes pour une journée quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon c'est des petites séquences, mais je veux dire c'est que c'est une machine, une grosse machine. Ouais. Et il y ça a du monde pas sur temps. La corde à linge quoi. Donc à un moment toi quand tu commences à t'enfoncer dans ton truc. Et en fait là je me suis dit, il y a des gens qui ont dû se dire, alors d'une il arrête pas de bafouiller ou je sais pas quoi, il est nul. Il demande trop de café aussi. De deux il travaille mal et en plus il s'énerve, il nous met tous mal à l'aise. Ouais. Parce ouais, que j'étais rouge. Un épisode quoi. Ouais. Mais c'était pas un récurrent hein. À la base, si, on m'a dit que si. Apparemment, mais, ouais. Voilà. T'étais le héros. Mais j'étais moi, rouge de colère. J'ai un exemple de non-colère de Tom à ma gauche ici, qui donc a réalisé 3 projets qu'on a fait ensemble. Et donc, le gars, en effet, ne s'énerve jamais. On peut être en tournage depuis 2h du mat et il est 23h45, ouais. Donc hors presque local. 24 heures après. Tout le monde lui l'ennuie hein, à lui dire est-ce que tu peux répondre à ma question avec cette voix et toutes les 10 secondes. Bah parce que c'est oui, vous travaillez avec la sorcière de Blanche-Neige. Voilà, donc, voilà exactement. Personne, évidemment. Mais Tom, non, il a son kimono et il ne s'énerve pas. Et alors, juste au pire d'énervement, je pense qu'il a son index sur le front et dit attends 2 secondes. Et c'est tout. Et alors, je suis bluffé par ça. Non, il y a des choses. Parce après, que toi, tu il prend énormément fois. D'héroïne. Voilà. Énormément. Non, moi je m'énerve pas. Juste... Attendez là, est-ce qu'on peut s'organiser? Qu'est-ce qui empêche? J'ai déjà capté 3-4 regards qui disaient je vais te défoncer. Tuer, ouais. Non, mais en fait, il se passe un truc, c'est que je m'énerve pas. Mais par contre, je commence à bafouiller et je dis n'importe quoi. C'est du calabru en fait. Mais voilà, sinon pas d'énervement, beaucoup de bafouillement. Moi non. Ça me bluffe. Moi je suis sec quand je suis énervé sur un tournage, je suis un peu plus sec, ouais. Moi je me souviens de énorme ou plutôt que sec, pas tant. D'accord. Sinon. Mais tu peux dire qu'est-ce qui empêche du coup? Non, je dis pas qu'est-ce qui empêche parce que mais moi je veux dire je suis très adepte du bon, on peut m'expliquer juste ce qui marche pas, le problème, tu vois, qu'est-ce qui tu sais quand je vois des gens s'agacer d'un truc et on tourne pas, je fais juste vous pouvez m'expliquer, juste dites-moi ce qui se passe et rien que ça met une petite pression déjà. Je même là tu vois, je ouais, moi rien aussi ça m'a voilà, ce je sais et m'attendre. Le pire que j'ai fait, c'est que j'ai pris entre Cadieu un assistant réal. Ouais. Sur qu'avait dit à Jean Dujardin sur une pub, parce que j'avais fait la pub Brise 3. Je pourrais même dropper. Non, s'il te plaît. Et qu'avait dit à Jean Dujardin, donc il fait sa prise. Et en fait, on n'a pas beaucoup de temps, sauf qu'en fait, on fait une pub pour Brise de Nice 3. Donc on est vraiment là pour lui, en fait. Ouais. Tu vois, et qui tente à Jean Dujardin, donc le premier assistant réel. Donc à savoir, c'est quelqu'un qui fait en sorte que le plateau se passe bien et tout, mais il n'a pas de décision à avoir sur la mise en scène. C'est l'assistant réel, quoi. Et il dit à Jean Dujardin, bon, puis on se concentre sur celle-là. Allez. Oh, joli. Donc, moi, c'est le truc qui m'énerve, moi. Donc, quand déjà, on dit, on se concentre. Non, mais même sur les tournages, en fait, je suis tellement une lèche-cul sur les tournages, il me semble, que si quelqu'un. Tu sais, il y a parfois des gens qui sont. Tu sens une tension. Bon, il y a certaines équipes où ça se passe bien, mais il y a certaines équipes où, voilà, le ou la réal sont tout le temps agacés pour n'importe quoi, machin et tout. Et vraiment, j'ai tourné dans un téléfilm il y a genre un an de ça. Et j'en en fais une, deux, tu vois, ça va, on n'est pas en péloche et c'est la télé, donc ça va. Et le réal se lève, il s'approche de moi. Génial, Jean-Pierre Mocky. On n'est pas en péloche, là. Non, mais il me dit, non, mais concentre-toi, là, tu pourrais l'avoir, là. Qui donc, a dit ça? Le réal, il vient me dire ça. Ouais. Et vraiment, le réal, il peut, il a le droit. Non, mais tu parles bien aux gens, quand même. Il ne parle pas comme ça, il croit quoi que je suis là pour lui baiser son tournage ou quoi? Tu vois, enfin, moi aussi, mon objectif, c'est que ça soit bien. Ouais, mais si tu l'avais bien fait dès le début, il aurait peut-être pas eu. Non, puis en plus, c'est nul comme indication. Tu es juste fait. Fais-le bien. Ouais. Fais-le bien. bah dis-moi, je suis pas dans ta tête en fait. J'ai fait un regard par en dessous comme ça. Pardon. Wow. En souriant. Bah ouais, je vais essayer, ouais. Mais bon, après, là, je croise tu les m'as doigts, pas mis dans la meilleure position du coup. Mais sinon, non. Mais par contre, je raconterai ça. Faites-moi penser pompe à essence, scooter, coup de pied. Rap d'Instenda, streaming. Non, mais vas-y, dis-nous, parce que là, après, j'ai streaming, pas. Justement, musique, comme je suis une bouffonne quand je m'embrouille avec mon gars. J'étais avec un gars il y a quelques années et on s'est embrouillé. Et comme je suis une bouffonne, au lieu de lui dire mais non, mais arrête de coucher avec toutes les meufs que tu rencontres, en fait, c'est ça mon problème. Je suis pas en PMS, c'est juste que j'en ai marre. Je suis QLF, ok. Et j'étais partie en scout. Au lieu de lui dire t'es qu'un con et j'ai un papilloma à cause de toi, et j'étais allée mettre de l'essence dans mon scout. Et il y a une meuf qui m'avait dépassée, une vieille. Et donc j'avais mis mon scout sur les cales là. Ah ouais. J'étais descendue et la meuf était en train d'ouvrir sa porte. Et genre j'ai refermé sa porte en lui mettant un coup de pied dans la porte. Ça c'est pas mal. Tu vois. Et j'étais vraiment. J'ai dissocié pendant, pendant 10 secondes et j'étais là, genre. Oh mon dieu, je suis désolée, je sais pas ce qui vient de m'arriver, vraiment j'étais trop. Ah oui, tu t'es excusée tout de suite. Ah ouais, ouais. T'es sortie mais de la ton meuf corps. Elle était là, genre. Tu vois, elle se disait, mais ouais. Pourquoi il y a une meuf avec un scooter orange qui en colère ma porte. Bon, alors les 50 choses qui énervent les Français, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Les gens qui dépassent dans une file d'attente. Les listes. Ah, mais ça. Alors moi je vais avoir des choses à dire, je pense, sur chaque truc. Parce que moi j'ai pas les trucs genre c'est des haines très spécifiques. Mais moi il y a même avant même pas ceux forcément qui doublent, mais il y a ceux qui alors déjà il y a ceux qui ne comprennent, qui font semblant de pas comprendre qu'il y a une file et après tu te répartis. Tu sais, quand il y a plusieurs caisses, il y a une file et après tu. Il y a ceux qui font genre qu'ils n'ont pas compris que tu vois, ah bah c'est, il doit y avoir trois files du coup, mais y a juste, on est tous cons et on s'est tous mis derrière. Alors ça, c'est mon genre et en général on ment tous. Vraiment, oui, mais c'est ça, oui, je sais. Ouais. Mais ils font tout semblant. Et il y a aussi les gens, quand il y a une très longue file d'attente, qui ils arrivent au milieu de la file et ils découvrent qu'il y a une longue file, ils font oh. Et après ils regardent vers l'avant de la file comme s'ils allaient trouver une soluce, c'est un truc auquel personne n'avait pensé. Bah non, il y a une file, tu vas au bout en fait. Ouais. C'est tout, tu vas au bout de la. Il y a pas de tips, tu vois, il y a pas un cheat code qui fait que tu vas trouver une porte secrète en fait. Tu vas au bout de la file, putain. Non mais il a raison. Moi c'est aussi ceux quand ils ouvrent une nouvelle caisse et les gens derrière toi qui foncent. Alors que normalement pour moi c'est la règle fait que le premier qui n'a pas déposé ses trucs sur le tapis roulant va à la nouvelle caisse vu que c'est le celui qui attend depuis plus longtemps. Et tu sais genre il y a une deuxième caisse et c'est le gars derrière qui court pour aller de ses courses. Ça me rend fou. C'est pas... Moi une fois j'ai été dans cette situation, j'étais le gars de derrière et donc ils ont ouvert la caisse et le mec de devant qui avait genre un mec de 50 ans, c'était dans le sud. Bah c'était À Vival, à Mont-Saint-Rival. Exactement. Non, sur le chemin entre la gare et bref. Dans l'Hérault. Et le mec m'a regardé, tu vois, et je lui ai dit bah, allez-y monsieur, vous êtes devant et tout. Et vraiment il m'a regardé genre merci beaucoup. Vraiment, tu sentais que le mec il était genre, il y avait vraiment une reconnaissance genre ok. Mais moi ce que toi, j'aime bien c'est aux États-Unis, j'ai halluciné là cette année, bah à Los Angeles, je sais que tu y vas bientôt. Donc tu verras. J'adore parce que quand les gens dépassent, il y a vraiment un truc très formel où la personne qui se fait dépasser dit excuse me. I was in the line, tu vois. Ouais. Et les gens, t'as l'impression de te. You've been served, tu sais, t'as l'impression de t'être fait remettre le papier du. Donc tu peux pas, en fait. C'est mieux. Et surtout, en fait, genre, il y a. Genre, quand on était avec ma pote et genre, et quelqu'un frôle son enfant sur l'épaule, tu vois, comme ça. Excuse me. Et vraiment, elle lui a dit excuse me, tu vois, this is my daughter, tu vois. Et la personne dit excuse me, tu vois. Il y a vraiment un truc. Ultra. Ta pote est bizarre quand même. Bisous. Non mais il y a une scène très marrante dans Curb justement comme ça où il est en train de faire la queue et il y a quelqu'un qui va voir la personne qui est dans la file d'attente devant lui qui fait ah ça va et tout et donc l'autre il commence à discuter. Et la petite discussion se termine et la personne reste à son droit. Ouais, et il fait non, pardon, désolé. là vous essayez de faire le truc ou vous parlez à la personne et après vous restez devant, vous allez derrière, il faut mais non mais on est potes et tout, il fait il a pas, vous avez pas l'air d'être si potes, il vous a pas vraiment reconnu et tout, l'autre il fait j'avoue c'est vrai on se connaît pas si bien que ça et tout, fait allez vous allez derrière et tout, et vraiment c'est sachant que bien. Moi les gens qui se connaissent ça me rend fou quand même, oui oui, qui rejoignent leurs potes en devant général toi. Ah non non non, les gens qui rejoignent leurs potes devant ah si si si, ah non non moi si, là si. Je suis moi, très je pense heureux que dur. Non non franchement, non non non, non moi je suis d'accord au cinéma, parce qu'en fait au cinéma déjà pour moi tu devrais pas avoir le droit de dire ah non j'ai 14 potes qui arrivent en fait donc je prends toute la rangée et je mets des pulls dessus, oui, ça me rend dingue en fait, c'est pas tes potes, ils viennent à l'heure ou pas. Une personne j'accepte. Non une personne d'accord un. Mais je deux trois vous chipotez. Non non mais moi ça non, non, non. Je sais que je chipote mais on ça m'énerve pas, hein. Vraiment c'est qu'il y a un truc de voilà tes potes ils ont qu'à arriver et surtout on voit un film donc c'est vous pouvez vous retrouver après tout va bien, vous allez pas si vous êtes pas des connards vous avez pas parlé pendant tout le film donc c'est pas très grave et c'est pour ça que moi je revis parce que là j'ai déménagé près d'un cinéma où tu réserves c'est Gaumont et tu réserves ta place par internet obligatoirement t'as ta place quoi ça ouais. C'est trop bien ton numéro de place oh. C'est n'importe quel horaire t'es le 32C et du coup donc tu peux dire je suis au deuxième ouais. rang et s'il y a quelqu'un tu ouais. dis bah excusez-moi c'est ma place et tu c'est écrit planter. Sur ma place et la tu personne se bat et surtout moi ce que je fais c'est que j'ai vu que je suis avec ma meuf j'ai une carte deux personnes et je réserve tout le temps même quand je vais tout seul deux places et comme ça j'ai un siège de libre à côté pour mettre mes ah affaires. Ça c'est bâtard ça c'est un truc ça, de c'est bâtard, un peu bâtard. Ça, non parce sympa. Que ça fait une place en plus si tu vas voir des films vides ça leur fait une place en plus tout à fait ouais. tout à fait mais si c'est blindé il y a des gens qui sont recalés peut-être. C'est possible. Bah, ils iront à la séance d'après. Alors, l'impolitesse en général, oui. Bon. Oui, bah ça, oui, non, voilà. Mais merci, les gens qui n'écoutent pas. Ah. Non, mais alors, juste pour revenir sur l'impolitesse, moi, il y a un truc de quand il n'y a pas de place pour. Tu vois, tu es sur un tout petit trottoir où il n'y a pas de place pour deux ouais. personnes. Et du coup, tu sais, tu marches, tu décales, tu marches sur la route pour laisser passer les gens. Les gens qui disent pas merci quand tu les laisses passer, ah, moi ça m'énerve. Ça m'en fout aussi. Et c'est genre, oui, bah non, je marchais dans le caniveau pour le plaisir en fait. Ne me dis pas merci, c'était vraiment une coïncidence. Moi aussi, à ce moment-là, ça c'est vraiment genre, ça m'énerve. Effectivement, moi. Sur la politesse, le bonjour, là, moi dans mon immeuble, j'ai vraiment l'impression très souvent, sauf une fois, et tu vois, j'ai été le mec de la caisse à un moment quand il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour dans mon hall d'immeuble. Avant que je lui dise bonjour, j'ai vraiment dans mon regard, je pense qu'il a vu toute la reconnaissance et j'ai fait bonjour. Bonjour. Parce que c'est toujours moi qui dis bonjour. Un immeuble ou une chanson de fauve. c'est toujours moi qui dis bonjour en premier et ça me rend dingue. Peu importe les tranches d'âge ou le statut social. Je me dis mais c'est pas possible. T'arrives, tu vois, oui, comme tu ça, t'attends le dernier moment, tu fais, il va pas le dire. Bonjour. Et ben voilà, je t'apprends, putain. Alors que je suis plus jeune que toi, je t'apprends la politesse. Et pareil, et ceux qui remercient pas quand t'es en scoot, tu les laisses passer. Ah ouais. Alors ça, moi je fais un petit de rien. Bah alors ça par contre. Et après je pars en scoot. Moi, fils de pute. Mon truc préféré quand je suis à scooter. C'est de m'arrêter quand il y a des gens, parce que personne ne s'arrête quasiment pour laisser passer les piétons, ouais. traverser en fait, quand c'est oui, quand il n'y a pas de feu et ouais, tout, ouais. tu vois. Donc je m'arrête et je fais un petit geste de la tête, ouais. genre c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Et là, c'est mon truc préféré à scooter parce que les gens sont trop contents quoi. Bah tu sais qu'à cause de toi. Sauf ceux qui te disent pas merci, pardon. Il y en mais a, souvent, ils s'en battent. Ouais, mais souvent, vraiment, c'est ouais, une évidence quoi. Il y en a, ouais, bah merci. Ouais, mais enfin. Souvent quand même, quand tu t'arrêtes, tu fais le petit geste, ils font un. Et vraiment tout type de gens, vraiment. Ouais. Toute classe sociale. Est-ce que t'as une genre, tête tout. De. J'aime les filles. J'ai un casque intégral, ils voient pas ma tête. Ah, okay. Ils ouais. savent pas que je suis une star du web. Ouais, ouais. Talent. Talent du web. Talent du web. Mais moi d'ailleurs à cause de toi avant je n'osais pas traverser quand il y avait pas de feu et Adrien part du principe que le piéton enfin part du principe c'est la loi ouais. le piéton est prioritaire ah, donc ouais. il traverse quoi qu'il arrive ouais, il y en a qui sont morts comme ça même ouais. quand une voiture arrive assez vite il part du principe là, ouais. moi maintenant je le fais bah faudra qu'on ma traverse meuf ensemble déteste ma meuf aime ah, ouais. pas trop non ma plus meuf mais dit bah tu vas te faire taper par une bagnole c'est tout c'est tout parce que vraiment je mais force. C'est la loi et j'ai ça loi. Aussi quand il y a des scouts qui roulent un petit peu trop longtemps sur le trottoir pour se garer où je bouge pas tu sais je fais genre pas mal. Je bouge pas. Ça va pas mal, ça c'est mérite, j'avoue ça mérite. Ça m'énerve. Les trottinettes, Jérôme, quelque chose à dire ? Bah, horrible. horrible. Là j'en ai encore vu une sur le trottoir. Non, mais ce qui t'énerve, c'est que c'est pas régulé, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a pas de. C'est du coup ce trottoir, route, mais normalement c'est route, c'est non, ça ? Non, normalement c'est piste cyclable. Oui, ah, piste cyclable. Ou enfin, ouais, voie de bus quoi. Pas de protection. Ça monte à 35, sortait 25. Ah, moi je suis monté à 30. Non, tu mens. C'est parce qu'il y avait une inertie, t'étais en descente. Oui, j'étais en descente. Ouais. Et je pense qu'il devrait y avoir, même si c'est pas le cas pour les. Enfin, si, c'est un peu le cas pour les scouts en vrai, mais des parkings quoi en fait. Il y a, c'est vraiment c'est. Mais non, mais c'est ça le principe, c'est ça le bénéfice. Bien sûr, mais graphiquement, graphiquement, c'est vraiment vraiment pas joli. Ça fait pas moi, du bien à la ville. Ah, alors c'est bah, non, mais en fait, t'en as partout sur le trottoir et tout, et je trouve ça vraiment. Bah, ça fait dégueulasse quoi. Moi, j'adore le, j'adore le LS. Hein? J'adore le LS. Tu es que LS, ça que tu veux dire? Quoi? Le LS. J'adore le libre service. Ah oui, non mais d'accord, mais en fait c'est pas beau à voir, je trouve, tous les 12 mètres des trottinettes. Mais comme moi c'est ça, même garé, pas que c'est pas beau. Ou par terre. Moi j'ai été ami, enfin j'ai été ami. Avec juste une trottinette. Non non non, mais on était à la fac ensemble avec un mec en fauteuil roulant et qui se plaignait des fois des scooters mal garés qui prennent la place sur le trottoir, ah, parce qu'il était obligé de changer de trottinette. Oui, et quand je vois les trottinettes, je pense tout le temps à lui parce qu'en fait les trottinettes sont au milieu de la route. Et quand t'es en fauteuil roulant, bah c'est insupportable en fait. Tu es vraiment, t'as, bah, t'as un chemin barré par une trottinette et tu dois changer de trottoir. C'est ça. Et voilà, donc ça, moi, c'est les trottinettes. Quand je les vois au milieu de la route, j'ai ce petit toc. Moi aussi, je les de déplace. Les, de les prendre et de les mettre contre un arbre. Moi aussi, je le fais. Ou vers les abribus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a vraiment. La place sur le trottoir, je les jette dans le canal Saint-Martin, moi. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment qui les garent totalement au milieu. C'est trop bizarre. Ah ouais, là, ce c'est truc, vraiment. Au milieu du trottoir. J'ai le droit. J'ai le droit, je le mets au milieu de la route. C'est carrément devant une porte d'immeuble. Tu sais, c'est lui, il allait à son immeuble. C'est vraiment devant la porte. C'est trop. Enfin, ah, mais ouais. C'est typiquement une bonne idée qui est gâchée par des cons, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, les gens qui n'écoutent pas, voir quelqu'un cracher en public. Alors, on a passé un peu rapidement sur les gens qui n'écoutent pas, je trouve, mais voilà. Tu as un truc à dire sur les gens? Moi, de toute façon, on m'écoute jamais dans les films, donc. Oh non, ça m'énerve. Oh, Adrien. Enfin, il y a quelques années, ouais, hein, ce projet est tombé à l'eau, bien sûr. Merci Golden Moustache d'avoir suivi, bien pris à bras le corps ce projet. C'est bon. Ah, non, mais non, je sais. On peut le dire. Être mis en attente. Ah, pardon. Le truc de cracher en pleine rue comme ça, c'est infâme. On est tous d'accord là-dessus. Mais tu le fais. Non. Mais je me suis rendu compte que pour la plupart, dans le bendo, c'est, en fait, c'est ultra naturel. Et malgré tout, maintenant, je pardonne ce truc-là parce que je me dis que même si tu vas aller voir, tu fais mec ou meuf, crache pas dehors, par terre, etc. Le vrai problème, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Oh non. Ah merde. Oui, c'est n'importe quoi. C'est terminé. Non, mais en fait, c'est... au début, ça me scandalisait. Ouais. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est ultra naturel chez des gens et que tu peux pas les changer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, ah non, c'est une déconstruction, c'est une éducation. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait là-dessus? Bah, dire non. Donc tu vas aller voir, tu te rends fais pas ça. Bah, moi, j'ai un copain qui pisse la nuit. Un cracheur. Qui pisse dehors. Genre, j'ai trop envie de pisser. Et il crache ça aussi. M'est arrivé. Voilà. Ouais, j'ai longtemps fait. Et je lui dis, gars, tu pisses pas en fait. C'est vrai, mais j'ai envie de pisser. Non, mais les meufs, elles font pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on pisse pas. On pisse pas dehors. Non, moins quand même. Non, moi, beaucoup j'ai pissé moins. Une fois en 4 ans parce que j'étais bourré. Non, mais c'est vrai, vrai que ça m'arrive aussi de temps en temps. Alors que je pourrais un peu. Mais généralement, je le fais vraiment quand j'ai envie de pisser. Mais j'avoue que c'est un peu. Je vous recommande une appli. Ça n'a pas de sens. Une appli qui s'appelle Flush. Et qui vous dit les chiottes, c'est une carte des chiottes. Surtout qu'à Paris maintenant c'est ouvert 24h sur 24 la plupart. Les chiottes publiques sont ouvertes. Et j'ai aussi moi j'ai une Appli Man. Il y a Flush et j'ai une carte Google Maps. J'ai cru une carte en papier. Non mais sur Google Maps et t'as toutes les, enfin peut-être pas toutes mais t'as quasiment toutes les chiottes de Paris et il y a en plus les ça nous intéresse moins là mais les fontaines et les trucs comme ça quoi. T'as toutes les chiottes quoi. Bonne première soirée avec Lucien Mène, j'étais fraîchement parisien. Ah oui, ça Lucien il aime pas ça. Et j'ai dit, il y avait un chantier et j'ai dit ah bah je vais pisser là derrière le truc et tout, il fait bah quoi t'es un chien en fait. Je le connaissais à peine. Ouais. Donc je me suis fait ah bon bah. Mais en fait c'est fou parce que il a l'air un peu soufflé sur c'est le pas sujet. Apparemment. C'est mais pas vraiment malveillant disons. Non, non. Mais c'est tellement une habitude et mon pote il me dit ah mais j'ai envie de pisser. Je dis mais oui oui. Et pareil pour le crachage. Je dis mais arrête de cracher. Mais moi-même les gens qui font pisser leur chien dans la rue ça m'énerve en fait. Faudrait les tuer je pense. Bah ouais mais comment de quoi les gens qui quoi. Non c'était juste pour un donc il faut pisser leur chien oui, qu'ils pourraient le faire sur mais mon tapis. Mais c'est vrai quand tu prends du recul pisser contre un arbre et tout dans la rue comme ça c'est mais vrai ça que c'est un peu c'est dégueulasse un peu chelou quoi. Ça sort de ça la bite hein, mais bon moi là, hein. Moi je crache mais j'essaye de cracher dans les poubelles. Voilà. Ah, oui, sur les arbres. Non. Moi sur la route je crache en vélo. Quand je suis malade. Moi je comprends pas les gens qui crachent tout court. Quand je suis malade. Maintenant je sais plus quoi faire. Genre je suis là bah Moi, c'est quand je suis malade, des gros glavios, quoi. Oui, voilà. Ah, oui. Moi, je crache sur les affiches de Macron. Je peux pas dire, tu parles du venin, quoi. Non, parce que je suis obligé de. Il faut que ça sorte. Faut expectorer. Ouais. C'est comme la colère, faut que ça sorte. Je reviens un peu dans le thème, parce qu'on en est très loin. Les profiteurs. Ceux qui croyaient les profiteroles, j'étais là genre mais pourquoi quelqu'un quelque chose. Non mais pourtant c'est délicieux. Ceux qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux, très spécifique. Oui. Les portables au volant. Oui, voilà, c'est juste c'est dangereux en fait. Oui, mais ça peut énerver. C'est des maboules. Ouais, de ouf. Non mais c'est vrai que moi je suis d'autant plus énervé en vélo quand c'est des gens qui sont au téléphone, t'as plus envie de les tabasser. On est d'accord que le truc, ceux qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux, Benalla. Non mais c'est genre tous les autres trucs. Enfin, le téléphone au volant, ça inclut ça. C'est ceux qui ne disent ni s'il vous plaît ni merci. Oui, la politesse, ça a déjà été dit. Voilà. Payer pour retirer de l'argent. Quoi? Quand genre c'est un service payant, tu dois payer des sous et une petite taxe. Dans la poche de qui? De Macron. Et ça on le dit jamais. Wesh les amis. Non, osons causer. Les conducteurs qui dépassent à toute vitesse dans les zones où il y a des habitations. Vas-y. Pardon, mais j'ai un truc à dire. Mais moi je suis trop content. Ils ont mis deux dodanes dans ma rue. C'est le meilleur truc. Je suis trop content parce que c'est une rue qui est toute droite, une petite rue en sens unique. Non, d'ailleurs, même pas. Et les gens, j'entendais des gros cons, mais qui roulaient vraiment très vite. C'est une rue résidentielle, quoi. Ils ont foutu deux dodanes, mais bien, et là, bien raides et tout. T'as vu direct le résultat? Ben, 16 morts. Déjà, j'ai vu un gars qui roulait. Je veux dire, à l'oreille, tu t'entends que les gens vont. J'ai l'impression, ouais. Et j'ai vu vraiment un gars qui roulait vite et qui a fait. Et qui s'est tapé le truc, il a fait genre. Ça fait. Les bas de caisse. Moi, les bas de caisse frottés, c'est mon plaisir. Voilà. Les gens en retard. Bravo Hidalgo. Bravo. Le prix de l'essence, on voit ce que ça donne. Renverser de l'eau de Javel sur des vêtements. Ça aussi. c'est un top 200 là ton truc. Ouais, parce que là, on lui a imposé 50 trucs et vraiment il en avait que 37 quoi. Les bruits de travaux à 8h du matin. Faut bien qu'il bosse. Ça va, mais c'est vraiment chiant. Écoutez, ceux qui prennent deux sièges dans un train, ceux qui sont grossiers dans le dos. Bon, allez-y, genre hypocrite quoi. Payer pour utiliser les toilettes dans les gares. Je comprends un peu. Moi, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve beaucoup. Une dame d'IP où t'as le droit, où tu décides de donner, ça je. Ok. Mais les toilettes, t'es obligé de mettre une pièce. Ça, puis ça c'est clairement anti-SDF. Oui, sûrement ça. Là, donc c'est pas gentil. Non, mais ces trucs où t'as envie de pisser de ouf, tu cours et tu vois. Fais des petites pièces et prends pas en dessous de 50 centimes. Et tu fais putain les. Putain. Bah moi je pisse contre à ce moment-là. Anecdote, colère, vélo, trottinette. Rue de Rivoli, je roule, ok, devant le BHV. Et tu roules. Et là il y a un gars qui ouvre sa fenêtre manuellement, donc un petit déjà vieux. Il a une vieille voiture. Hein, voilà. Et il me dit alors vous êtes bien là sur la piste cyclable, vous avez de la place. Hein. Et donc, tu me l'as raconté. Moi je t'ai dit ça. Je dis ouais c'est cool, tu vois, ok. Cet échange est étrange. D'accord. C'est Hidalgo qui a fait ça. Oui. Alors on a fait des conneries hein. Et j'étais là genre je l'ai vraiment pas vu venir quoi. Et après il a dit comme toutes les femmes hein, j'ai tué la mienne, je l'ai étranglée de mes propres mains, allez salut. Le petit coup de klaxon me l'a rendu sympathique. Non mais il est fort hein. Il est très fort, il court toujours le mec. Il a fait pareil aux flics, il en fait allez coquin, t'as mis les essuie-glaces. T'es con quoi, allez file. Les gens qui se payent Hidalgo des fois m'énervaient à un moment. Arrêtez là, en genre, fait. Et en même temps c'est pour empêcher les scouts de faire n'importe quoi. Il y a un taux de pollution de elle est audible la pollution dans Paris. Donc meuf elle dit on va peut-être arrêter que les voitures, les gens sont là dedans. Non, il veut aller en voiture dans une ville qui fait 8 km de long. Wow, c'est la sorcière de Blanche-Neige qui est revenue. D'accord, ok. Michel Jonas, peut-être, non. Les amis, bon, ça fait maintenant longtemps qu'on parle, donc on va clôturer ce podcast. C'est le bruit de la clôturation. Ouais. Ok. Quelques questions pour vous tous. Ah, Sophie Marie, à bientôt de te revoir. Et la meilleure chose que j'ai entendue cette année, très sympa. Merci. comment choisis-tu tes invités? Et comment vois-tu le potentiel comique inattendu de certains comme Vincent Delerme ou Benoît Hamon? C'est au feeling, hein. C'est au coup de cœur. Moins ils ont l'air marrants, plus c'est un challenge, tu vois. Parce que c'est là que si je demande à Adrien, à Jérôme ou à toi. C'est pas marrant, il est marrant, mais tu veux venir dans le canapé d'ailleurs? Je sais pas. Ok, bon, déjà on va. Aïe. Si je vous demande c'est quoi votre yaourt préféré, vous allez me répondre. Si je demande à Benoît Hamon. Ouais, mais c'est qu'est-ce pas que être t'as marrant, avec c'est juste se connaître. Non, yaourt, elle a dit. Non, mais c'est juste se connaître soi-même. T'as violé. Et s'écouter, c'est pas être marrant. Voilà, ok. Non, je sais pas. Bon, bah pardon. Non, non, bref, mais je sais pas, je fais des listes et quand j'écoute Chérie FM dans la bagnole, voilà, j'entends Vianney, je dis ah, Vianney. Tu travailles au coup de cœur un peu, j'ai l'impression. Ouais, un peu, ouais. Tu bosses au coup de cœur, toi. Là, je suis en train d'essayer d'inviter. Ah, PNL un peu, tu forces un chouïa sur Twitter. T'imagines, ce serait ouf. Mais ils veulent pas venir. Eh bah, no means no, Sophie Marie. Alors qu'ils sont complètement Depuis cette année, quoi. J'essaye d'inviter Médine, d'ailleurs, s'il nous écoute. Bien sûr. Je t'attends. Bien sûr. Anne Sylvestre. Trop bien. Mais t'as essayé ou pas? Ouais. Et elle a dit non, on est dessus. Putain. Zazie. Oh. Je connais bien Zazie. Et Johnny. Vous l'avez? Non, mais vous l'avez, c'est... Oui, c'est Johnny. Oui, oui, c'était quoi? Il est pas de l'équipe de France. Ah, Zazou, ouais. Non, c'est ce qu'il disait. Zazou. Alors, vous les connaissez, ces joueurs de l'équipe de France? Je fais, oui, oui, je les connais, je connais bien Zazie. Bon, bah, oh, c'est merde. Zizou. Dommage. qu'il était débile. Va mourir plutôt que de dire ça, franchement. Décède. C'est dur. Hein. En tout cas, merci pour la gentille appréciation. Tom Evrard, oui. Qu'as-tu préparé de beau avec Sophie Marie? J'ai vu des stories passer. Alors, des petites citations déjà sympas. Ouais, de ouf. ça faisait déjà un petit moment, mais on a fait. En fait, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Mais oui. On avait fait un court métrage ensemble qui s'appelle Chapitre 6 Plan Q. Bah, du coup, avec Jérôme. Avec Jérôme. Avec celui-ci là. Oui. Ah bah j'ai pécho Niel. Ah, okay. C'est mon fait d'armes. Tu sais. Okay, voilà. Baiseuse. Voilà. Et du coup, on a continué parce que ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est une très bonne chose. On est très content de ça. Et surtout que moi, j'adore le travail que produit Tom. C'est pour... Wow. Moi j'adore ce qu'elle produit. Oh, c'est stylé. Ce qu'elle produit. Donc ça va arriver quand? C'est quoi? Ça sort quand, bordel? Déjà, est-ce que ça arrive? C'est une très déjà. Bonne question. Ça arrive lourd, ça arrive déjà. Parce que nous, en fait, en tant que frérot, on aimerait envoyer de la Sephore. Donc, on est prêt. Merci, ouais, ouais, on est prêt. Merci, ouais, pour la Rapta. Non, non, mais en attendant. Les jours qui viennent. Ça va arriver très bientôt. Ah, oui, carrément. Ouais, ouais. Dès que la SACEM, là. Ouais. La SACEM, c'est cool. Ouais. En fait, quand tu commences à produire, tu te rends compte de ce que c'est et que c'est vraiment un travail que t'as pas envie de faire. Ouais. Quand en fait, pour c'est l'histoire, pas ton travail. En attendant, c'était qu'on a tourné ça il y a un petit moment, on a finalisé. En fait, c'est prêt depuis un certain moment. On a eu un problème de droits musicaux. Et voilà, on a un peu négocié, etc. Et maintenant, on espère que ça va pouvoir sortir. Bah, oui. Là, c'est et, c'est en imminent. Cas, on est très content du résultat et on espère que ça vous plaira. Ouais, ça tue. Et voilà. Jérôme Niel, oh. J'ai entendu parler sur internet d'un film écrit et réalisé par Rémi Four et Julien Ouar. Oui. Il y a même le synopsis sur un site internet. Alors, peux-tu nous en parler un peu plus? Eh bien, c'est un film qui s'appelle La Grande Classe, où je joue. Qui est dans la plaza, qui est pas ça, là? Oui. Ah, bien sûr. La Grande Classe avec. Et je tiens. Je partage l'affiche avec Ludovic, qui est un collègue, pardon, ouais, excuse-moi, je me suis endormi, qui est un collègue d'une SARL, et c'est une comédie qui sortira sur Netflix en 2019. T'as le droit de dire le pitch ou pas du tout? Tu ne sais pas. Bah, s'il y a le script sur internet. Où est ces deux copains d'enfance qui vont aller dans une fête rassemblant les anciens du collège. Voilà, c'est ça, c'était le pitch qu'il y avait sur le site internet, donc bien joué, très très bien, voilà. Très bien fait. Et on espère aussi que ça vous plaira. Évidemment. Adrien Méniel, bah, tiens. J'ai perdu la question, je suis désolé. Adrien Méniel. Ouais, comptes-tu c'est comme ça que ça dit. Lancer ta chaîne YouTube? Parce qu'on te voit apparaître dans des chaînes de gens. Est-ce que tu vas faire des podcasts? Non, mais voilà, on t'a vu dans des fictions d'autres gens. Aurais-tu envie de faire des sketchs pour ta propre chaîne, toi-même? Non. Tout simplement. Non, mais non, en fait, moi j'ai plein de sketchs que j'ai jamais pu faire et tout, et que j'aimerais bien faire, mais c'est des sketchs qui nécessitent. Des moyens, bien sûr. C'est pas évident déjà, faut Tom Cruise dans l'un d'eux, voilà. Donc, non, c'est pas évident de trouver des moyens, plutôt crever que d'aller chier. donc tout est clair, en fait, tout est clair dans ce qui... Non, mais je c'est les ça déteste qui est beau. Je les déteste, c'est les Monsanto de YouTube pour moi. Mais tu vas couper ça, c'est ça? Pas tout, je vais biper un peu, je vais biper des trucs. Non, mais voilà, et donc bah, c'est compliqué. J'ai pas envie de faire un retour en arrière ou Non, puis en plus, je me sens pas. J'ai jamais fait de sketch tout seul, moi. Oui, en fait, sûr, j'ai bien vraiment sûr. Mes premières vidéos. Il y avait une prod, il y avait tout. J'ai pas envie de me galérer à faire des trucs seul tout, machin, sans payer les gens et tout. J'ai un peu la flemme de faire ça. D'accord. Donc, et puis, vraiment, les idées que j'ai, il faut un peu de moyens et tout. Et. Donc non, je pense pas faire ma chaîne, sauf si je trouve un jour un concept facile, que je peux faire chez moi, ouais. à la maison, qui me fait marrer et tout, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est pas dans les projets, quoi. Un podcast peut-être plus. Pourquoi déjà. Pas. Jérôme, pourquoi le prénom Rémi dans pour tes personnages sur Instagram? Aucune idée. Parfait. Sophie Marie Laroui. Non, j'ai vraiment aucune idée. De la même manière qu'il existe des floodcasts avec la participation du public, les on prend vos appels, c'est vrai qu'on en refasse d'ailleurs, Adrien. Ouais. Peut-on espérer des à bientôt de te vous entendre, il t'a déjà vendu le titre. En tout cas, un des à bientôt de te revoir avec des auditeurs. En fait, on aimerait bien faire une tournée trop bien. En France avec trop cool. Éventuellement un van. Et Navarre. Enfin, ouais. Oui, voilà. Navarre okay. aussi. Non, rassure-moi. Et Andorre pour les clopes. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, on est en train d'essayer de réfléchir à ça, mais en vrai, je suis très heureuse que la raison pour laquelle j'arrive pas à y réfléchir, c'est que j'ai pas le temps. Ton esprit voilà. mis ailleurs donc. Glisse. Trop bien. Attends, c'était qui faisait ça déjà? C'est un mec qui avait la rage. Faf la rage. Voilà. Sophie Marie, as-tu prévu d'écrire un autre livre? Mais figure-toi que j'y pensais ce matin. Oh bah alors. Ouais. Voilà. Ok. et enfin, rassure-moi, Sophie Marie, à bientôt te revoir, n'a pas de date de fin de prévu. Ça me procure chaque semaine beaucoup de joie. On est sur le point de valider le fait qu'on va faire le Grand Rex dans un an, donc a priori, on n'est pas. Boum! C'est trop bien. Ça, c'est vraiment. Bam, badabim, badabim, bam, boum! Le Grand Rex avec qui? Alors, j'aimerais bien Xavier Dolan, mais. Moi, si Xavier Dolan, je chiale ma race, sache-le, car c'est vraiment mon idole. Donc je te filerai un DVD à dédicacer, tranquille, hein. Ça t'embête pas? Bah tu viendras dîner avec nous à Pizza Pino avec en face. Xavier. Ouais, pas de soucis. Xavdol. Ouais. Le bon Xavdol. Bah qui est un frérot Adrien d'ailleurs. Pizza Est-ce Pino. Que tu peux nous raconter cette anecdote avec le frérot Xavier? C'est à peine une anecdote. Hein. Bah, c'est quoi que j'aime bien. C'est juste que j'ai un running gag avec Pierre Ninet, ou parce que depuis Pierre qu'il Ninet, a... tu le qualifierais de quoi par rapport à ton sac d'amis? C'est un frérot. Oui, voilà, d'accord, ok. Un frérot. Et vous, c'est les grands de la Tess. Nous, c'est grand du quartier. Ah, pardon. Voilà. Non, et en fait, il a joué dans Sauver ou Périr. Sauver ou Périr, voilà, où il incarne un pompier. Et donc, à chaque fois qu'il faisait des posts Instagram pour parler de ce film, je disais alors le pompiflard. Enfin, c'est le mot pompiflard. Voilà, je cassais le mot pompiflard. Et des mois plus tard, il a fait un autre post où c'est juste lui, torse nu, extrêmement beau gosse, devant très une baraque, maison. Ouais. Et j'ai dit, eh ben alors, ton costume de pompiflard, il est au pressing ou quoi? T'inquiète, je rigole. Et Xavier Dolan a liké ce commentaire. Mais non. Voilà, donc j'imagine vraiment Xavier Dolan qui voit un trop le mot pompiflard et qui fait, allez, ça like. C'était drôle. C'était c'est un beau. Peu absurde. Et enfin, pour clôturer une bonne fois pour toutes ce podcast, le petit tour des recommandations. Sophie Marie, un truc que tu apprécies culturellement parlant, que tu as envie de partager avec la France entière, ou en tout cas un tout petit pourcentage. Bah, en fait, j'ai commencé à lire Torgal. Oh. Et c'est hyper c'est bien. Vachement bien. Ouais. On voit sa bite souvent. Bah, on voit surtout le cul de sa meuf qui est vraiment galbé, mais. Comme jamais. Comme Jaja d'ailleurs. Qu'est-ce que il y a quelque chose qui vibre? Il y a eu un truc donc. Mais c'est le métro je crois. Ouais, je pense que c'est dehors. Vous êtes des fous. C'est une moto. Voilà. Ouais. Donc, 900 cm cubes. Torgal, enfant des étoiles. Ah oui. Voilà. C'est bien ça. De mon côté, moi je suis en ce moment je mate plein de films des années 70 et j'en conseille un absolument, c'est de William Friedkin qui s'appelle The Sorcerer. Ah putain, j'ai cru que tu allais parler de Live and Die in LA que j'ai maté aujourd'hui même. Alors, est-ce que c'est bien? C'est chambé. C'est chambé. Il y a beaucoup de synthé, mais c'est chambé. Friedkin, il est fort. Il est mais fort. En tout cas, Sorcerer, c'est formidable. C'est un film des années 70. C'est un c'est remake après... d'un film français. Exactement, de Clouseau, je crois. Ouais, c'est un remake de Le Salaire de la Peur. Salaire de la Peur. Voilà. Et en fait, le titre français, c'est Le Convoi de la Peur. C'est je crois. Ça. C'est super c'est bien. C'est quoi le pitch en gros, c'est. En fait, c'est quatre parias de la société qui se retrouvent à devoir se casser de chez eux parce qu'ils sont tous des malfrats et tout. Ils se retrouvent tous en Amérique centrale. Dans une espèce de galère, tu vois. Et en gros, il y a des gens qui disent bon, si vous faites cette mission, en gros, cette mission, c'est conduire deux camions avec plein d'explosifs pour déminer un truc, en gros. Si vous faites ça, et ben, vous êtes libre. en gros. Et du coup, ils font ça et c'est. Putain, c'est cool. C'est l'aventure. Et à l'origine, c'était un film français. C'est charmé. Ouais, exactement. Un très bon film français. C'est un très bon film français. Et non. Justement, Sorcerer, ce qui est trop bien, c'est que ça manie justement ce truc hyper pragmatique de putain, on a des explosifs derrière nous. Mais avec le truc de Friedkin qui est le mystique. Tu vois, et c'est trop bien. Et bah, tu m'as donné envie de le voir. Et bah, j'ai. Et j'en profite pour vous conseiller l'autobiographie Friedkin Connection, où il partage plein d'anecdotes de tournage où tu te rends compte que les 70, et bah, quand tu étais réalisateur, tu étais fou allié. C'est ça. Voilà, et donc dans ce film, il y a plein d'anecdotes à la con, genre, il a dû virer la moitié de son équipe technique parce qu'ils étaient tous drogués, ou de trucs comme quoi il pouvait pas. Par exemple, le premier rôle, ça devait être Steve McQueen. Donc gros cast de l'époque, grosse moula. Et il pouvait pas parce que en fait il y avait des guerres d'ego. Genre lui il voulait mettre sa meuf et lui il a fait bah non, j'en veux pas de ta meuf, ça dégage. Et du coup bah il a tourné avec des comédiens qui étaient moins bankable et tout. Et bref, il y avait plein d'autres galères sur le film et c'est en fait ça transpire un peu le sale quoi. C'est trop bien. Mais Friedkin est sale, est ça. Ouais. Là, dans les anecdotes, il y a un moment un acteur, il a pas la réaction qu'il veut, il doit genre être surpris, se retourner en étant surpris, il a jamais la réaction qu'il veut. Friedkin fait oui bon, allez, Samsou, il fait bon les moteurs, il tire avec son propre flingue en l'air. Du coup l'acteur fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Et la légende veut que c'est la prise qu'il ait gardée dans le film. En tout cas dans ce cinéma artisanal fou. C'est vraiment un film hyper intéressant. Tu peux redire le titre s'il te plaît? The Sorcerer. Pas mal. Je crois que c'est juste Sorcerer. Il y a pas de. Ah oui, Sorcerer. Non, il y a pas de. Ou le convoi de la peur. Le convoi de la peur. Jérôme Niel, Halluciné Friendly. Eh bien, moi, je vais vous parler de. Alors donc il y a PNL là qui a fait son truc là, mais ça a mis de côté un petit retour de Save You. Ah oui. Ah wow. Qui est vachement bien avec son court métrage. Voilà, donc court métrage bien évidemment que en fait il a accolé son clip à un court métrage de 15 minutes. Comme Michael Jackson. Qui a voilà bon qui fluctue si tu veux en termes de qualité. C'est pas les mêmes budgets. Et bien voilà. Bien évidemment j'ai zappé ce court métrage au bout d'une minute quand même parce que je voulais entendre le titre à la fin. Mais le son est vraiment. Et cool. Ça fait très plaisir de le revoir parmi nous ce petit Sefiu. Ça faisait au moins je sais rien moi 7 ans. Ouais, parce qu'en fait ce qui est hyper bien c'est que même à l'époque, il avait déjà ce truc hyper crade, hyper je kick des trucs chelous. Ouais. Et en fait, maintenant, ça marche toujours aussi bien parce que c'est lui, quoi. C'est sa signature. Et donc, ça s'appelle. Non mais attends, il parle beaucoup d'Ardèche dans le son. Non mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Il a une. Attends, c'est la Meurthe et Moselle, c'est Booba et l'Ardèche. Ouais. Oui, il a une. Toi, tu viens. Il a une punchline. Il fait rimer à quoi? Je sais plus à quoi il fait rimer Ardèche. La Dèche et Ardèche. Non, c'est mieux que ça. Pendant que tu cherches, vas-y. Mal à l'aise, ça s'appelle. C'est Fiu mal à l'aise et il y a marqué entre parenthèses épisode 1. Ah oui, parce qu'il y en aura plusieurs. Voilà. Ça sent le CNC talent. Donc voilà, ça fait plaisir. En 2 jours, il a eu 500 000 vues. Et voilà, big up. Big up, c'est Fiu. À toi. Exactement. Pendant que PNL a 8 millions 6 en un jour. En 12 heures. Ouais, c'est chaud. Après, je te rappelle qu'ils sont quand même particulièrement QLF. Peut-être pas Fiu. C'est vrai. Adrien. Alors, moi, c'est un jeu vidéo que j'ai découvert aujourd'hui grâce à la petite brunille sauvage aka Bruno Muschio aka Navo qui l'a posté dans sa story. Je crois que c'est un jeu qui, alors moi j'y ai joué sur Switch mais je pense qu'il est sur PC et sur Mac je pense, et ça s'appelle Baba Is You. Ah donc c'est avec Cyril Hanouna. Tu le connais? Ouais, je connais, c'est trop bien. Alors voilà, ça n'est pas un jeu sur Cyril Hanouna. Et en fait, c'est un jeu de puzzle, enfin de trucs à résoudre, Et en fait, c'est dur à expliquer en fait à l'oral parce que c'est vraiment purement graphique. Mais en gros, on est dans un niveau, c'est vu du dessus avec des graphismes, c'est des graphismes vraiment 8 bits, ultra minimalistes. Voilà. Où, en fait, tout commence par Baba Is You. Voilà, c'est moi qui raconte par contre. Mais en gros, il y a par exemple, il y a marqué Baba. En fait, il y a des blocs avec du texte. Par exemple, il y a le bloc Baba, un bloc Is, le verbe être, et You. Donc ça, les trois blocs sont collés. Donc ça veut dire Baba, c'est vous. Plus loin, ailleurs dans le niveau, il y a wall, donc mur, is, stop. Les trois blocs sont collés. Ça veut dire un mur, ça veut dire arrêt. Toi, avec ton petit bonhomme, tu déplaces le bloc wall, par exemple. Ouais. Donc les trois blocs wall, is, stop ne sont plus collés. Donc la phrase n'existe plus. Ouais. Tu peux passer à travers les murs, du coup. D'accord. Parce que les murs ne te bloquent plus. Ah, trop bien. Et du coup, il y a marqué flag is win. Ça veut dire si t'arrives au drapeau, tu gagnes. Mais tu prends le mot wall, tu le déplaces, tu le mets à la place de flag. Et maintenant, c'est si tu touches le mur, tu gagnes. Et en fait, il y a plein de façons différentes de résoudre. En fait, tu changes les règles du jeu. Trop bien. Pour gagner, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment une idée de ouf. Et c'est trop, trop cool que. Voilà, dans les, c'est un jeu indépendant, évidemment. Ouais. Et c'est trop bien qu'il y a encore des mecs qui inventent dans les jeux vidéo des ouais. trucs comme ça, quoi. Mais j'avais commencé à développer un jeu vidéo qui ouais, ressemblait ouais. à ça. Et, C'est con que tu l'aies pas sorti parce que c'est super. En fait, je l'ai sorti. Voilà. Ouais. Ok, tu l'as sorti, d'accord. Ça s'appelle comment? Baba Is You. D'accord, c'est ton jeu. C'est vraiment incroyable. Et bah écoutez, quant à moi, je vous conseille le magazine Première Classics. Alors, c'est plus des petits bouquins que des magazines, je le montre à mes amis qui sont autour de la table. C'est des MOOC. Attends, mais c'est un MOOC. Cette personne-là sur la couverture. Écoute, j'espère qu'elle n'est pas en expo à la Cinémathèque. Ah, parce que c'est Louis Funès, effectivement. En fait, ça sort tous les. Je crois que c'est trimestriel. Je crois que c'est un trimestriel. Ouais, c'est un ça. MOOC. Un MOOC. Et je sais pas, je connais pas les termes. C'est Magazine Book. Ah, pardon, voilà. Bah, c'est un MOOC. Et parmi les films dont il parle, donc Première Classique, en fait ils reviennent sur l'histoire des grands films. Donc là ils reviennent sur Shining, Les Duellistes, Le Clan des Siciliens et donc Rabbi Jacob. Et je vous le conseille parce que ça regorge vraiment d'anecdotes folles. Moi c'est ce que j'adore, ah, c'est ça, ouais. les petites anecdotes autour des films. Et par exemple on apprend qu'avant la sortie de Rabbi Jacob, il y a eu genre le détournement d'un avion. C'est-à-dire que l'épouse de l'attaché de presse de Rabbi Jacob a détourné un Boeing pour que le film ne sorte pas et a pris en otage des gens. Des trucs que je ne savais pas, par exemple, et qu'après ça, Gérard Rouri, jusqu'à la fin du film, il ne se déplaçait qu'armé. Voilà, parce que le film, vu qu'il savait que ça parlait des conflits israélo-palestiniens et que il y avait un peu, c'était un peu le bordel en France à un ce moment-là. Bif, ouais, un peu et bif. Ben, du coup, en fait, ça a provoqué un tollé. Il y a aussi une très belle histoire où il tourne de Funès et Gérard Rouri tournent dans un hôtel où ils ont tourné des scènes de La Grande Vadrouille avec Bourville et où Louis de Funès laisse un petit mot à Gérard Rouri en mettant la dernière fois qu'on est venu ici. C'était avec Bourville et à la radio au même moment passe une chanson de Bourville en fait. Et donc du coup Louis de Bourville Funès était mort, est décédé à ce moment-là. Ouais, okay. Ouais. Et du coup Louis de Funès et Gérard Rouri se tombent dans les bras en larmes. Voilà. Encore, donc, encore. Voilà. Non mais il y en a plein, donc je vous laisse l'acheter. C'est trop bien. Et en plus il y en a eu plein, il y en a eu. Il est beau en plus. Hein. C'est un beau livre et moi je les ai tous achetés. Il y en a sur si vous commandez les vieux, je pense que la Fnac, je pense doivent éditer les putain, anciens. C'est trop bien ça. Mais il y en a un sur la planète des singes, sur les dents de la mer, sur 2001, sur Terminator 2 et sur Le Bon, la Brute et le Truand. Et putain. Évidemment, il n'y a pas que sur. En fait, chaque magazine parle de 7 ou 8 films différents. Trop bien. Bon, par exemple, si vous allez sur Wikipédia, c'est pareil. Et sur une gamme de prix. Eh bien, écoute, chaque numéro coûte 14 euros quand même. Ok. Voilà. Mais après, tout franchement, même. Je trouve que ça les vaut. Après, franchement, le rendu. Et puis, il y a des belles photos. Et non, voilà, c'est Première Classique, je vous le conseille quand vous tombez dessus. Voilà, bah écoutez, les amis, c'est la fin de l'émission. Je fais un dernier petit tour d'actualité. Sophie-Marie Laroui, à bientôt, te revoir. Ouais. Et les courts-métrages, et à bientôt de te revoir. Courts-métrages, alors si celui, je crois que celui-là va sortir en vrai dans la semaine prochaine, pas lundi là, celui d'après. Est-ce que le court-métrage sera déjà sorti ? Into the Shell là. Into the Shell, écoute. Bah, on mutualise du coup. Ouais. On est ensemble, tu vois. Ouais. Soudé. Ouais, bah du coup, Into the Shell là. Ouais. Pour dire exactement la même chose. Non, mais on espère, et en tout cas, on est très contents. Et, super. Et voilà. Ça tout va simple. Être vraiment ouais. stylé. Trop bien. De ouf. Mais on peut dire ce que c'est quand même ou pas? Alors, c'est l'adaptation de deux nouveaux chapitres comme l'avait été le premier court-métrage. Ah, y voilà. De ton livre. De l'art de la guerre 2, ouais. Voilà. Voilà. Donc, deux chapitres qui ont été plébiscités en adaptation par les lectrices et les lecteurs. Je ne révèle pas, j'ai révélé dans ma story aujourd'hui, mais je ne révélerai pas ouais. plus pas lesquels ça sera. Moi, je peux le dire en revanche. Jérôme Niel. Eh bien, différents projets d'écriture en cours, le film à sortir Netflix et puis acheter. T'as un créneau ou pas du tout d'ailleurs sur Netflix? Non, pas trop. Je dirais fin août, septembre. D'accord, ok, cool. À peu près. Cool. Mi-août, voilà, on verra. Ok. Et acheter un produit anti-calcaire. D'accord. Ah ouais, moi aussi, je peux m'en prendre un parce que mes verres. Mais je ne sais pas, il y en a partout, il y en a plein de produits. J'ai déjà regardé une première fois, ça m'a tellement stressé que je n'ai rien acheté. Bah, mettez du vinaigre blanc. Et j'ai essayé et ça puait de ouf dans toute la salle de bain. Et c'était pas. Mais j'ai si encore des traces. Si tu mélanges avec du bicarbonate, déjà ça va te faire une belle expérience chimique. On va dire au revoir aux gens. Et en plus, ça va sentir. Ah ouais, si je répète, Cannes-Série, Jérôme, on est à Cannes-Série pour projeter. C'est exact. Pour projeter. Ah, j'aimerais bien venir.